Connu pour son franc-parler, auteur, fondateur de Major, Être et rester des hommes, amoureux de la France, il se tient loin des polémiques, il est le nouveau visage de la droite, il incarne le renouvellement de la classe politique pour en finir avec les ringards pas drôles et ouvrir des champs du possible à une vision plus large. Ce soir, c'est Julien Rojdi dans Libéré sur Parole. Bonsoir à tous, bienvenue sur Libéré sur Parole, sur patriote.info. Pour les questions, pour le direct, ça se passe sur la caserne de Tepa, sur le Discord et évidemment le chat YouTube ouvert à tous. Ce soir, on accueille Julien Rojdi. Bonsoir Julien. Salut Tepa. Bah, bienvenue à Libéré sur Parole. Écoute, ça faisait Merci. longtemps qu'on voulait t'avoir, hein, depuis l'ancienne époque déjà, alors on est très content. Merci pour ton invitation. Là, je fais un peu la tournée des popotes pour Major, parce que je dois faire la promotion de Major. Tout à fait. Donc ça me fait plaisir de venir ici, voilà. Alors, Et te rencontrer pour la première fois. eh ben écoute, moi aussi, plaisir partagé. Alors, raconte-nous un peu ton parcours, Julien, parce que toi, tu étais quand même responsable du FNJ, on t'a connu comme ça, il y a eu, après on t'a vu, t'es parti, on t'a vu te rapprocher d'autres personnes, de Jean-Frédéric Poisson, de Nicolas Dupont-Aignan, de, bon, d'autres, Mon parcours exhaustif, je vais pas te faire ma biographie complète, bien que je pourrais, parce que tu fais des émissions assez personnelles, c'est pour ça que les tiennes sont sympas, émissions, mais je sais pas, je suis un jeune provincial, je viens d'Ardèche, famille classe moyenne, qui a toujours rêvé de la politique, de la philosophie, des idées en général, et qui a pu commencer à faire de la politique à 18 ans à Lyon pour la campagne de 2007, tu vois, ça Ah ouais, remonte. ça remonte, J'ai fait la campagne pour Jean-Marie Le Pen à l'époque. Mais j'avais été extrêmement déçu par l'élection de Nicolas Sarkozy et par l'état du Front National, parce que je l'ai vu moi en vrai à cette époque, et bon, il n'était pas resplendissant, on va dire. Donc j'ai voulu arrêter la politique. Après, j'ai voulu me consacrer qu'aux idées, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé. J'ai écrit un livre à 20 ans qui s'appelle Le Marteau. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis je me rêvais un peu grand écrivain qui allait révolutionner la France par mes idées, tu vois. J'étais vraiment naïf, mais bon. Il se trouve que j'ai quand même trouvé un petit éditeur, et puis je me suis fait pas mal de contacts, pas mal de réseaux. Dans la droite nationale, on va l'appeler comme ça. Et puis j'ai pu voir l'émergence de Marine Le Pen au carrefour de 2010, 2010-2011. J'ai rencontré des gens qui travaillaient directement avec elle et qui, du coup, m'ont proposé de travailler tout de suite avec elle pour la campagne de 2012. Parce qu'elle avait besoin de sang neuf, elle avait besoin de jeunes avec des profils un peu différents. Et donc j'ai accepté parce que même si ça n'avait rien à voir avec mes études et puis que c'était un petit peu compliqué professionnellement, parce que quand tu commences ta vie professionnelle par une inscription sur ton CV Front National directeur de la jeunesse, c'est pas très bien pour la suite, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien les aventures. Et là, se trouvait qu'il y avait quelque chose autour de Marine à cette époque-là. Marine était incarnée la modernité, le renouveau des idées patriotes. Et même si il y avait déjà des doutes un petit peu sur elle, sa personnalité et ses idées, je trouvais quand même qu'il y avait quelque chose d'intéressant pour faire péter le système, pourquoi pas, parce qu'elle était la dédiabolisation. Aidé par des gens qui, eux, conservaient des idées fortes et puissantes au fond d'eux, je trouvais que c'était un bon mélange. Voilà, une figure amène, tu vois, une figure capable de pouvoir parler au grand public, tout en ayant des gens autour d'elle qui étaient encore doctrinalement solides, quoi, tu vois. Moi, c'était un petit peu mon objectif. Et donc j'ai accepté, je suis devenu directeur des jeunes, président des jeunes avec Marine, puis après directeur du FNJ, après la campagne. Je suis resté au front comme ça 3 ans, quasiment 4 ans. Ça m'a plu, ça m'a apporté beaucoup d'expérience. J'ai pu voyager dans toute la France, voir tous les départements, tu sais, rencontrer les militants, les jeunes, donc ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Et puis j'ai vu aussi le monde des médias, beaucoup. J'ai été très médiatisé à cette époque-là. Et donc voilà, j'ai pu connaître beaucoup de gens, vraiment agrandir toutes mes expériences, connaître plein de choses. Mais il se trouve que quand j'ai eu 25 ans, 24-25 ans, je me suis mis à douter de la politique d'une manière générale. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont fait arrêter la politique. La première, c'est que je n'étais plus en accord avec la ligne de Marine Le Pen. Pour plein de raisons, on en parlera peut-être un petit peu après, Oui, mais on en je parlera tout à pensais l'heure. qu'elle s'enfermait dans un corner qui allait l'empêcher de pouvoir être présidente de la République, c'est-à-dire s'enfermer dans ce corner souverainot-souverainiste à ne parler qu'à la gauche, qu'au peuple de gauche, alors que je voyais bien que la droite était en pleine déconstruction et qu'elle attendait un nouveau leader. Déjà, moi, à cette époque, je disais, il faut que Marine parle à la droite. Pas besoin qu'elle se dise de droite, mais au moins qu'elle envoie des signaux, tu vois, pour faire en sorte de récupérer cet électorat. Et voilà, là-dessus, on était un petit peu en désaccord. Plutôt que de parler de l'euro, j'aurais préféré qu'elle parle de l'identité, qu'elle parle de la France, qu'elle parle de la liberté, qu'elle parle de la grandeur aussi. Je suis quelqu'un de positif. J'essayais de lui faire. Je lui écrivais souvent des notes. Je voulais que le patriotisme ne soit pas seulement quelque chose de misérabiliste, tu sais. C'est-à-dire que Il y en a assez en France d'entendre toujours des patriotes misérabilistes, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont toujours dans on veut retrouver, on veut redevenir ce que l'on fut, tu vois, à l'époque, sachant que ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas subvenir à une telle chose. C'est un rêve, tu vois, un rêve qui peut toucher 20% de la population qui en ont vraiment marre de la situation actuelle, mais qui ne peut pas aller au-delà, parce que les gens ont besoin de se projeter, les gens ont besoin de penser à l'avenir, ont besoin de penser à des choses positives, tu vois. Et toute la rhétorique du Front National à cette époque était « Nous allons refaire la laïcité, nous allons refaire l'école, nous allons refaire la France, nous allons la tautologie du re, tu vois, nous allons revenir à… » C'est bien joli, moi aussi je suis le premier à rêver de la France d'antan et de l'époque, mais ça ne peut pas réussir comme ça. Bon. Donc voilà, j'avais un petit problème avec sa ligne, c'est la façon dont elle l'incarnait. J'avais des problèmes aussi avec les hommes qui étaient autour d'elle, c'est-à-dire les gens qu'elle choisissait pour son entourage. Pour moi, c'était des gens, Philippot et toutes ses équipes, c'est des gens qui, dans ma vie privée, si tu veux, on serait pas du tout amis, tu vois. Donc, travailler avec des gens à qui tu as envie de mettre des claques tous les matins, c'est pas un truc positif. Et puis, d'un point de vue plus personnel, j'ai vu en fait ce que la politique faisait aux hommes. C'est-à-dire que un homme qui ne fait que de la politique dans sa vie, il a 80% de chances de devenir une grosse merde. Excuse-moi de te le dire comme ça, mais je l'ai vu de mes yeux vus, si tu veux. J'ai vu des gens qui étaient entrés en politique très jeunes, avec plein d'idées, plein de passions, tu vois, plein d'entrain, mais qui en fait se font bouffer par ce monde-là. Et la politique, tu sais, c'est un peu comme du fonctionnariat, c'est-à-dire que si tu es pas trop con, tu peux en bouffer toute ta vie. Que ce soit en tant qu'élu, en tant qu'assistant, en tant que permanent du parti. Tu peux toujours arriver à trouver une petite gâche, tu vois. Et moi, donc, je me suis vu à 24 ans comme ça. Marine m'a proposé d'être élu régional, tout ça. Et je me suis vu, si tu veux, faire toute ma vie dans la politique. Et me retrouver à 40 balais en ayant connu que ça. Et là, j'ai pris la chose en horreur et je me suis dit, c'est hors de question, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà, pour des raisons à la fois politiques et personnelles. Après, ben, je me suis engagé dans la vie privée, avec mon CV dégueulasse, avec un master de relations internationales. Bon, mais puis pendant 4 ans de Front National, donc ce qui n'est pas génial, je me suis retrouvé sans rien. Mais il se trouve, et on en parlera tout à l'heure sur la nature de la politique aujourd'hui, que ce qui compte, c'est les réseaux en fait, c'est les gens que tu connais. On n'est plus dans la politique politicienne en fait, le vrai pouvoir se trouve dans les réseaux et comment te faire les meilleurs réseaux et tout, c'est ça qui est véritablement utile. Et donc, moi, bon, j'ai eu de la chance, j'avais un réseau et j'ai un réseau qui m'a permis de m'aider, des investisseurs, des gens qui m'ont aidé dans ma vie professionnelle. Je me suis complètement planté les 2 premières années. J'ai monté une société qui a échoué totalement à cause d'un enculé, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais bon, je me suis renouvelé, j'ai fait pas mal de choses. Aujourd'hui, je suis bien. Je travaille à l'international. Je dirais pas exactement ce que je fais, mais je suis plutôt bien. Et puis, dans le même temps, j'essaye d'avoir toujours un lien avec le monde des idées. J'ai fait ces sessions avec TV Liberté l'année dernière, par exemple, où on a beaucoup parlé de la droite, de l'union des droits, de ce qu'était la droite philosophiquement. C'est très intéressant. Je te remercie. Et bon, j'essaie d'écrire, mais j'ai pas trop le temps, même si je dois ressortir un bouquin. Et puis là, donc on a sorti Major, avec plusieurs amis, qui est un outil de combat, en fait, qui n'est pas directement politique, bien que tout soit politique, comme tu le sais. C'est la métapolitique, Oui, ouais, mais c'est un outil de combat majeur sur la masculinité, en fait, quoi. sur les hommes. Donc on va en parler peut-être tout à l'heure. Ah, mais Et oui. voilà, je me retrouve là aujourd'hui, si tu veux, à connaître quasiment tout le monde dans la droite nationale, le patriotisme, le monde patriotique, comme tu l'appelles comme tu veux. J'aide certains, par exemple Nicolas Dupont-Aignan, que j'apprécie humainement parlant. Même le Front National, j'ai de bons rapports encore avec eux. Mais même si j'ai des propositions pour retourner dans la politique pure politicienne, je n'en ai pas véritablement envie. D'accord. Parce que, pour plein de raisons qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, mais voilà. Pour le moment, voilà, je suis bien à graviter un peu autour de ça. Et t'es d'accord avec ta fiche Wikipédia qui te dit, qui te décrit comme un homme de culture qui se défend d'être maurrassien en affirmant que Maurras ne relevait pas de l'antisémitisme racial mais l'antijudaïsme. Non, mais ça, Non, c'est une connerie c'est une absolue. connerie, En fait, ça. je te raconte l'anecdote comme ça, c'est juste marrant. Pour ceux qui veulent se lancer en politique, ça peut peut-être être formateur. C'est le premier article que j'ai eu sur moi, en fait, quand j'étais encore à Lyon et que les journaux ont appris que j'allais devenir le responsable des jeunes. Les journalistes se sont intéressés à moi parce que j'avais un profil un peu particulier pour l'époque, pour ce qu'était le Front National à l'époque. À l'époque, il faut se remettre, les plus jeunes ne connaissent pas, mais les jeunes du Front National, c'était plutôt crâne rasé et bombers, tu vois. Et en fait, quand ils ont vu un connard comme moi avec des cheveux et des chemises, tu vois, ils se sont dit, tiens, c'est un nouveau profil, la nouvelle jeunesse autour de Marine Le Pen, tu vois, ils ont voulu faire des papiers là-dessus. Et donc, j'ai reçu une journaliste de Rue 89 à l'époque. Ouais, ça existe toujours, Rue 89, ouais, ouais. ça existe toujours. Ouais. C'est avec le Nouvel Obs maintenant, ouais. Et elle est venue me voir à Lyon passer une journée avec moi. Et moi, je ne connaissais pas ce monde médiatique. Je me mets à lui parler de tout et de rien. Je n'ai pas contrôlé mon message, tu vois. Et donc, on parle des différents auteurs que je lisais, Maurras, mais pas que, j'en lisais plein, mais évidemment, elle n'a retenu que cela. Et elle me questionne sur Maurras, et moi, naïvement, je lui dis, oui, mais l'antisémitisme moral n'est pas vraiment un antisémitisme, parce que c'est un antijudaïsme dans la mesure où c'était pas un antisémitisme racial, mais religieux. Je lui dis ça comme ça, moi, vraiment, en toute naïveté. Et puis je vois le papier qui sort directement après et qui défend Maurras en disant que ce n'est pas l'antisémitisme. Alors que moi j'ai dit ça, mais si tu veux, je m'en foutais complètement. Et c'est là où j'ai compris comment les médias fonctionnaient, quoi. Et maintenant, quand je suis en face d'un journaliste, je fais très attention à ce que je dis. Parce qu'ils peuvent détourner absolument tout et mettre la lumière sur des choses qui paraissent complètement anecdotiques dans l'entretien que tu as eu avec eux. Tu vas dire une phrase comme ça, mais vraiment un truc à la con. Mais eux, ils vont t'en faire le gros titre, Ouais, tu ça va vois. être le gros Et ça, titre. c'est pour les apprentis politiques qui veulent se lancer aujourd'hui, faites très très attention. Le journaliste essaie toujours de faire ami-ami avec vous. Et il est très grave quand vous le croyez. C'est possible de devenir pote avec des journalistes, mais il faut faire très attention. Parce que là, en l'occurrence, cette fille, je croyais même que je lui plaisais, tu vois. J'étais là et tout, machin. Et je me suis dit, elle va faire un super article sur moi, je l'ai un peu séduit et tout ça. Et à la fin, non, bah, ça s'est pas passé comme ça. Mais le Front National, lui, il n'a pas quand même un espèce de y a pas une loi anti-Front National dans les médias, quand même, à chaque fois, quand on arrive avec l'étiquette Front National, on est. Ça, oui, surtout à l'époque. Maintenant, Oui, surtout à l'époque. Oui, ça surtout a à un petit l'époque. peu changé maintenant, j'ai l'impression quand même. Les journalistes sont beaucoup plus objectifs. Et puis, je vais te dire, l'époque a changé. J'y pensais dernièrement en regardant un espèce de débat d'éditorialiste à la con sur LCI. Je ne citerai pas leur nom pour pas avoir de problème, mais enfin, ils sont facilement reconnaissables. J'écoutais un débat sur l'islam et sur l'immigration de manière générale. C'était il y a quelques semaines à peine. Et j'écoutais ce qu'ils disaient chacun, mais c'était vraiment les mecs du Point, de l'Express, ce qu'il y a de plus mainstream au monde, tu vois. Ce qu'ils disent aujourd'hui, mais on disait ça du Front National il y a 5 ans, mais on était tout de suite taxés de racistes, de xénophobes, de fous, de fascistes, de malades qui fantasmons sur l'immigration, tout ce que tu veux. Maintenant, le discours a quand même beaucoup changé, de par les attentats, le terrorisme, l'évolution de la société. Et maintenant, tu peux entendre de la part d'éditorialistes vraiment mainstream et lambda, ce que tu ne pouvais même pas entendre de la part du Front National il y a encore 5 ans, tu vois. Donc c'est vrai que la société a changé par rapport à ça. D'accord, bon, ça c'est intéressant. On en reviendra justement sur ces évolutions. Alors, parle-nous de ton projet majeur dans l'absolu. Alors, ce projet. Alors, Major, c'est l'école-major.com, ça s'appelle comme ça. Vous pouvez aller voir. C'est en fait un projet qu'on a eu depuis. Ça fait plus d'un an qu'on en parlait et qu'on travaillait dessus. Parce que il y avait plein de raisons à plusieurs qui nous ont fait dire qu'il fallait avoir ce type de site, ce type de magazine et de formation en France. Alors, la première raison, c'est que les hommes, tu le sais, ou tu le sais très bien, n'étaient pas, c'est que les hommes à l'époque passaient par une quantité d'écoles de formation pour devenir des hommes. On ne naît pas homme et on le devient, tu sais. Et aujourd'hui, on est là. Peut-être le premier moment dans l'histoire où nous n'avons plus aucune école de formation. À l'époque, un homme avait plein d'écoles de formation naturelles et institutionnelles. Il naissait, il était déjà dans une famille, avec un modèle de type patriarcal, avec un père fort symboliquement. Après, il allait à une école qui était une école solide, forte, qui lui avait une verticalité très forte à l'intérieur, avec un professeur qui incarnait le savoir, puis l'absolu de la société. Ensuite, il allait, en même temps, souvent, il allait à l'église, qui là encore lui apprenait tout ce qui était de la spiritualité, le contrôle de lui-même, et puis l'ouverture sur le monde, encore une fois, et sur l'univers. Après, il allait à l'armée, puis il allait chez les scouts, ce qui veut dire qu'à l'époque, un mec de 21 ans, quand il arrivait sur le devant de la scène dans le monde, qu'il pouvait voter, qu'il pouvait être citoyen, était formé, incroyablement formé. Et donc, quelles que soient ses idées politiques, qu'elles fussent de gauche, de droite, de ce que tu veux, c'était des mecs. Donc, ils pouvaient faire de la politique. Aujourd'hui, nous n'avons plus cela. Et on s'étonne aujourd'hui de ne pas trouver des gens qui s'intéressent à la politique, par exemple. La politique, c'est quoi? C'est vouloir changer le monde, c'est d'avoir un pouvoir sur le monde. Et aujourd'hui, dans cette société individualiste, on voit que des mecs qui ne sont pas des vrais citoyens. Et quand on organise un meeting politique, on se retrouve trois pelés, deux tondus. On se retrouve aller à 10, 20, 30, 200, 300. Et puis, allez, 1000 dans les périodes électorales, les grosses périodes électorales, mais c'était rien. Rappelle-toi combien de gens étaient inscrits au Parti communiste, combien de gens étaient inscrits à n'importe quel parti il y a encore 40 ans. C'était des millions de personnes qui étaient inscrites. Tout à fait. Aujourd'hui, les gens ne sont plus intéressés par ça, aussi parce qu'il y a une déconstruction de l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'étant plus un homme, eh bien, dans sa construction mentale, dans sa formation interne, eh bien, il ne peut pas faire de la politique. Et pire encore, les gens que nous avons en politique sont souvent, je vais me faire beaucoup d'ennemis ici parce qu'on va dire que je suis méprisant, mais je préfère dire la vérité, il y a beaucoup de gens en politique aujourd'hui qui sont des semi-hommes, tu vois, franchement. C'est-à-dire que ceux qui viennent dans la politique actuelle, ne peuvent pas changer grand-chose parce qu'ils sont très souvent frustrés, complexés, ils cherchent quelque chose dans la politique pour avoir une vie sociale, pour avoir... Et si tu veux, la politique n'est pas l'aboutissement de leur réussite et de leurs idées fortes qu'ils ont travaillé pendant longtemps et puis de leur bien-être personnel, mais c'est un moyen pour eux d'obtenir un bien-être, tu vois. Et donc, souvent, dans les partis politiques, eh bien, il n'y a pas ce que l'on peut trouver de mieux en termes de qualités humaines. Et ce qui est terrible, c'est que les gens, et j'en rencontre plein, je passe mon temps à rencontrer des gens comme ça, qui ont vraiment des qualités humaines très très fortes et très très grandes. Quand je parle de qualités humaines, c'est qualités de réussite, j'entends. Hein. Ce qui, bien sûr, il ne faut pas mépriser les petites gens, bien entendu, mais les petites gens qui veulent réussir, qui veulent grandir, qui veulent se développer personnellement, malheureusement, ne font pas de politique aujourd'hui. Elles fuient les partis politiques, ces petites gens-là, et les grands bourgeois, les deux. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Aujourd'hui, ils vont dans les grandes écoles, ils cherchent à se faire du pognon, ils cherchent à réussir dans leur vie privée avant tout. Et même d'ailleurs, à la sortie des grandes écoles, tu peux le constater, à l'époque, les promotions de l'ENA, tous les meilleurs de l'ENA allaient directement en politique. Aujourd'hui, c'est les derniers qui vont faire de la politique. Tu vois? Donc voilà. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'elle est plus d'actualité. C'est qu'on s'est aperçu à plusieurs, et ça c'est tout à fait criant, c'est que aujourd'hui il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un débat sur le féminisme, sur les femmes, sur la place de l'homme dans la société, la théorie du genre et tout le reste. Cette année a été tout à fait révélatrice à cet égard, puisque avec MeToo, Balance ton porc et toutes les histoires, on a entendu parler de toute l'année. Les féministes et ces mouvements-là ont beaucoup de sites internet et beaucoup de relais d'expression pour envoyer du lourd sur tous ces sujets. Mademoiselle.com, par exemple, qui est un site de féminisme absolument, de féministes absolument horriblissime, mais qui ont un gros pouvoir d'influence aujourd'hui sur plein de filles paumées dans la société française. Et qui ont un gros pouvoir parce qu'elles ont des sites internet qui regroupent beaucoup de gens regardent leurs vidéos, tout ça, et un pouvoir d'influence sur les politiques également. Et il se trouve que pour les hommes, on n'a rien. On n'a absolument rien du tout. Tandis qu'aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de sites de ce qu'on appelle masculinistes. Des sites comme, par exemple, Art of Manliness sont des sites très très puissants. Ils ont 2 millions, 3 millions de personnes qui suivent Art of Manliness. Et ceci n'est pas étranger même, pour faire un lien avec la politique, parce qu'on va parler un petit peu de politique, ceci n'est pas étranger à la réussite de Donald Trump, au succès de Donald Trump aux États-Unis. Parce que ces mouvements masculinistes qui ont voulu se réapproprier ce qu'était la nature masculine, comment est-ce qu'on redevient des hommes dans notre mentalité. Je ne te parle pas de devenir un bodybuilder, hein. C'est tout l'inverse de ça. Enfin, tu peux devenir un bodybuilder si tu le souhaites, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une psyché masculine, tu vois, de réussite masculine. Eh bien, tous ces sites-là, il y en a plein aux États-Unis qui sont sur ce terrain-là depuis déjà 10 ans, 15 ans. Et en fait, ce sont des phénomènes sociaux qui semblent annexes comme ça, mais qui ont un lien direct avec la politique in fine, parce que pour avoir voté Trump à l'époque, je suis loin de soutenir Trump aujourd'hui, mais en tout cas, pour avoir, à l'époque, sa campagne était quand même assez puissante. Pour voter Trump, là-bas, il fallait des sacrés mecs, tu vois. Des mecs qui n'écoutent pas le système médiatique, et tout ça est lié à la mentalité masculine forte, tu vois. Et donc, en France, on a besoin de sites pareils, qui soient des relais d'expression, pour entrer dans les polémiques quasi quotidiennes sur le féminisme, la théorie du genre et tout le reste, et puis qui permettent d'aider les mecs, qui, aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas connu d'école de formation, eh bien, d'aider tous ces hommes à s'améliorer. Améliorer ce qu'on appelle les 4 C, c'est-à-dire le cœur, la culture, le caractère et le corps. Quand tu t'améliores chaque jour, que tu es dans cette logique-là d'amélioration de ce que tu es, eh bien, tu agrandis totalement déjà ta vie personnelle, ta réussite personnelle. Et moi, je suis absolument persuadé, si tu veux, que c'est la base. Parce qu'avant même de parler de politique, de comment est-ce qu'on change la France, qu'on change l'Europe, qu'on change la civilisation et qu'on change le monde, déjà, quand on a affaire à des hommes qui arrivent à gérer une famille, qui arrivent à gérer leur vie professionnelle, qui arrivent à être des mecs, quoi, quand tu les vois, j'ai même presque même pas besoin de l'expliquer, même si on peut rentrer dans les détails sur ce qu'est la virilité, ce qu'est l'homme. Quand tu vois des mecs pareils qui sont réussissants dans leur vie, parce qu'ils suivent un certain code d'honneur, un certain code de valeur. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours remarqué, moi. C'est tous les mecs que je connais qui ont réussi dans leur vie, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel, ce sont que des mecs qui se ressemblent dans, finalement, dans leur façon de voir les choses. Et en fait, d'ailleurs, dans la session alpha, la première formation qu'on a sortie, qui marche très très bien sur l'école major, on a voulu rassembler justement toute cette mentalité-là, très masculine, qui est partagée par tous ces mecs qui réussissent. C'est-à-dire comment tu vois les choses, comment tu appréhendes les femmes, comment tu appréhendes les amis, comment tu fondes ton clan, comment tu te comportes en société, quelle est ta philosophie de vie, tu vois, Nietzschéenne, l'univers, le monde, ton échelle de valeur. Tout ça, en fait, c'est partagé par tous les mecs qui réussissent. Et il est temps que tout cela revienne dans le milieu national, le milieu de droite, ou tout de même sans parler de ça, simplement les Français, quoi, les jeunes Français. Mais est-ce que la vision, justement, de cette virilité qui a été atteinte, est-ce qu'elle ne concerne pas plutôt les Européens, mais au sens même ethnique du terme, et pas les autres communautés qui bénéficient d'une espèce, je sais pas, l'image du rappeur, voilà, l'image du sportif, etc., mais qui est incarnée par d'autres ethnies. Mais bien entendu, de toute façon, il est certain que la virilité qui a été le plus attaquée, ça a été la virilité blanche, ça c'est certain, on le sait, mais dans cette virilité blanche ou européenne, pour parler plus comme cela, il faut bien arriver à distinguer ce qu'est un homme, justement. Un homme se tient à équidistance du décadent et du barbare. Un homme, c'est comme la civilisation, en fait. La civilisation, c'est vraiment ce qui est au milieu entre la décadence et la barbarie. Et c'est un équilibre très difficile à obtenir, si tu veux, et à tenir. Mais un homme, c'est ça, et en particulier dans l'idéal de l'homme européen, depuis les Grecs, en passant par les chevaliers du Moyen-Âge, le soldat, et puis même l'homme moderne, parce qu'on est capable encore, malgré la société actuelle, d'être des hommes, malgré tout ce qu'on nous raconte. Ça marche très bien encore, que ce soit au niveau affectif. On a encore quand même beaucoup de chance, mais les femmes préfèrent encore les mecs qui sont des hommes. Et puis que ce soit au niveau professionnel, parce qu'on fait cette mentalité-là de conquête, d'entreprise, de réussite, de clan avec tes amis, comment tu t'entraides entre tes amis et tout, ça cartonne encore aujourd'hui. Donc malgré tout ce qu'on nous raconte, si tu veux, c'est comme l'idée du clan à l'époque, tu avais besoin d'être entouré d'hommes pour survivre dans la forêt ou dans la jungle. Mais aujourd'hui, dans le monde économique actuel, tu as besoin d'être entouré de ton clan, parce que si tu n'as pas ton réseau, et qui te permet justement de trouver le bon avocat au bon moment, la bonne personne qui va t'aider pour créer une société, la personne qui va... C'est la même chose finalement, tu vois, après des milliers d'années d'évolution, on reste dans les mêmes configurations. Donc oui, cette virilité européenne a besoin à tout prix d'être revisitée et de revenir sur le devant de la scène, et je crois que c'est le préalable pré-politique, si tu me permets, à toute chose. Parce que, encore une fois, si on n'a pas des mecs qui ont des réseaux puissants, qui sont dans cette mentalité-là de conquête, de force, de code de l'honneur, de réussite personnelle, parce que quand tu réussis personnellement, tu dégages aussi énormément plus de charisme, d'aura, tu es beaucoup plus fort en cela, que si tu arrives et que tu es frustré et tout, ça se voit. Et en fait, le but, c'est de gagner la société, si tu veux. Le but, c'est quand même de pouvoir prendre l'État, de pouvoir changer la France, l'Europe. Donc pour cela, on doit être les meilleurs. Parce que si on n'est pas les meilleurs, on va perdre, et si on perd, c'est toute la civilisation européenne qui sera jetée à la poubelle, et ça, moi, je ne le veux pas. Donc travaillons déjà chacun individuellement sur ce qu'on peut être, cette équidistance justement entre le barbare et le sauvage. Quand tu me parlais du rap et tout ça, là c'est plus le barbare, et puis quand tu me parles de Jean-Michel dans le Marais, lui c'est le décadent. Non, l'homme, il est au milieu, si tu veux, tu vois, il est capable de lire de la philosophie et de mettre le bourre-pif au bon moment, tu vois. C'est ça l'idéal de l'homme européen, c'est le gentilhomme, en fait. C'est le kalos kagatos grec, et puis le gentilhomme, c'est la même chose, encore une fois, après des siècles de distance. C'est un mec qui est capable de travailler, ce que je te disais, sa culture personnelle, son cœur, son caractère, puis son corps. Et sur Major, nous, ce qu'on essaie de faire, donc ça demande du travail, c'est de partager ce contenu-là, en fait. Toujours des articles culturels, du contenu, voilà, on essaie de partager nos expériences d'hommes, que ce soit avec les femmes, des choses plus légères, tu vois, parfois, sur la séduction et tout. Mais aussi énormément de ce travail-là, tu vois. On n'est pas des... Comment te dire par une métaphore ? On n'est pas des professeurs où on se dit, moi, je suis un homme, donc je vais t'apprendre la vie. Je ne suis pas un coach, tu vois. Par exemple, moi, personnellement, je suis à la recherche de ma masculinité. Moi aussi. Et tous les hommes, c'est la base de la masculinité. C'est qu'on n'est jamais des hommes, en fait. On doit toujours... C'est un idéal qu'on doit poursuivre en permanence, tu vois. Donc, on n'est pas dans la posture, nous sommes les coachs, on va vous apprendre comment être des hommes. Ce serait ridicule. On est plus, si tu veux une métaphore, on est plus, tu sais, quand tu vas à la faculté, T'as souvent plein d'élèves qui sèchent les cours et t'as des élèves qui vont en cours, qui prennent les notes et après qui les partagent à tout le monde, tu vois, tu sais. Mais en fait, nous, on est plus des élèves comme ça, en fait, tu vois. Nous, on va dans les cours parce qu'on passe notre temps à lire. Tu vois, là, par exemple, je vais faire une recension très bientôt de Nassim Nicolas Taleb sur ce qu'est le concept de l'antifragilité, par exemple, un grand philosophe. Et voilà, donc là, on va faire un contenu sur comment être un antifragile, tu vois, voilà. C'est pas nous qui donnons des leçons, en fait. Nous, simplement, on prend du temps pour lire, pour travailler, puis pour vivre aussi nos expériences. Et puis après, on partage ça aux autres qui n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent trop, parce qu'il y a plein de choses, tu vois. Donc, c'est plus cette posture-là. Et d'ailleurs, nos colonnes sont ouvertes pour ceux qui veulent partager. Le but, en fait, est toujours d'apprendre quelque chose aux autres, voilà. D'accord. Voilà. Mais par exemple, cette dévirilisation, est-ce que bah, on va dire que les associations féministes, l'idéologie féministe, c'est elle qui est grande responsable d'avoir attaqué, puisqu'elles sont, on va dire, l'ennemi principal, c'est toujours cité l'homme blanc, quoi, entre guillemets. Bon, pour pas dire l'homme plus de 50 ans, parce qu'ils le disent, mais c'est un peu quand même la cible à chaque fois, même quand on entend, je sais plus, bah, c'était Anne Lauvergeon ou Delphine Ernotte qui dit, bon, bah, on va Bien dégager les sûr. hommes blancs, etc. Bien sûr. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est. En fait, il faut savoir une chose, c'est que le vrai pouvoir, il se donne pas, il se prend. Et en fait, les féministes, on leur a donné ce pouvoir. Parce que la vérité, c'est que si on refait un peu d'histoire, l'homme européen, en sortant de la Seconde Guerre mondiale, de la première d'abord et de la seconde, est sorti complètement démoralisé. Et en fait, à ce moment-là de sa démoralisation, il a été prêt de lui-même à remettre en cause tous les schémas et toutes les architectures qui faisaient de lui l'homme traditionnel qu'il fut pendant des siècles. Et c'est lui qui, de lui-même, a dit, oh, bah, cette fois-ci, je pose mes couilles sur la table et vous en faites ce que vous voulez. Tu vois? Même si, en réalité, quand tu montes dans la société et que tu vas, par exemple, dans tout ce qui est les grandes banques, la haute finance, les grandes entreprises, tu as affaire à des hommes alpha. Toujours. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui, par exemple, pénètrent en politique, tu les vois partout parce que la politique n'a plus aucun pouvoir. Quand tu vas aujourd'hui dans les milieux de décision, les grandes conférences internationales et tout ça, tu te retrouves en général avec 99% d'hommes blancs, tu vois. Voilà. Donc finalement, en plus, on ajoute comment dire, à la destruction actuelle de toute la société traditionnelle, on ajoute à cela l'hypocrisie totale, en fait, parce que les hommes alpha, qui eux partagent bien des valeurs très masculinistes, très virilistes, eux continuent de gérer la société, tu vois. Mais en revanche, pour le gros du peuple, alors eux, on les laisse devenir des gonzesses, si on souhaite qu'ils le deviennent, pour simplement être de meilleurs consommateurs, ne surtout pas remettre en cause leur pouvoir. Il y a aussi cette logique-là, si tu veux. Donc l'homme blanc, on cherche à lui enlever ses couilles pour qu'il ne soit plus dangereux. Plus dangereux, Parce que l'homme hein, c'est blanc ça. est dangereux. L'homme blanc, l'homme européen d'une manière générale. L'homme européen est dangereux s'il est citoyen. Si l'homme européen se remet à lire énormément, à être solide dans son corps, parce que ça change aussi, quand tu as un corps solide, tu te sens bien dans ton corps, que tu te sens prêt à. Ça, en fait, être un homme, c'est toujours se sentir prêt à, c'est-à-dire à pouvoir te battre, à pouvoir pas être un barbare qui va se battre. Mais tu sais que si ça t'arrive, tu es capable de protéger ta femme, de protéger. Donc si tu te sens solide dans ton corps, que tu lis, que tu te cultives, que tu te renseignes sur beaucoup de choses et que tu travailles ton caractère, comment est-ce que tu arrives à être téméraire, à garder ta parole quand tu la donnes, toutes ces valeurs-là qui faisaient les hommes à l'époque, bah, si on avait 1, 2, 3 millions de mecs comme ça en France, ne serait-ce que ça, si tu veux. Je te garantis que certains auraient mal aux fesses, mais pas de la façon dont ils aimeraient, tu vois. Ça, je veux dire, c'est, on a besoin que de ça en réalité, tu vois. Quand tu changes cette sociologie-là française, en fait, d'arriver à sortir du complexe Houellebecquien, je sais pas si tu as lu les livres de Je l'ai Houellebecq, pas lu, mais je connais, bah, oui. le complexe du mec qui travaille dans un bureau, qui n'a plus aucune virilité, qui est complètement esclave du système, des idées qu'il écoute, qui n'est même plus propriétaire, qui ne fonde plus rien, qui a peur des femmes. Enfin, ce mec-là, il aura beau voter Front National pour se venger une fois tous les 5 ans, ce mec-là ne peut rien produire en réalité, tu vois, comme dans la société. Il ne peut pas produire un mouvement social, un mouvement politique, un mouvement d'idées, rien faire de fort, tu vois. Et ben, nous, on veut changer ce complexe-là, tu vois. Et puis en plus, il est complexé vis-à-vis de l'arabe et du noir, parce qu'il se fait taper, parce qu'il se fait machin. Donc t'imagines un petit peu le pauvre, c'est pas méprisant, je dis ça parce qu'on aurait tous pu l'être, tu vois. Mais bon, il faut arriver à donner à ce petit mec-là la capacité de changer, parce qu'il a la capacité de changer en vertu de ce qu'il est, de ses ancêtres et du potentiel immense qui est en lui. Il faut lui rappeler, lui donner ce potentiel, et puis après, si jamais il est créatif, qu'il est fort, qu'il est dans cette logique-là, de pouvoir intégrer des réseaux économiques après qui pourront l'aider dans ses initiatives, dans ce qu'il pourra faire, voilà, pour être dans la lumière un peu, tu vois, sortir du misérabilisme. Ah ben on est dans une société de merde, on se fait agresser par les Arabes, la crise du capitalisme, le machin, bouh, on va voter Marine Le Pen, ou on va faire je sais pas quoi d'ailleurs, non. Le monde actuel est une immense arène. Il faut le prendre tel qu'il est, c'est le libéralisme actuel, voilà. C'est une immense arène, qui est dégueulasse, hein. On peut lui cracher dessus, il n'y a aucun problème. Je suis le premier à le faire. Et c'est une immense arène. Si tu veux, au bout d'un moment, tu peux dire, je me mets en retrait de ce monde-là, pour lui cracher dessus simplement, mais ce monde-là t'écrase, et généralement, sauf si tu es un héritier, ce que nous ne sommes pas, enfin je ne le suis pas, machin, bah, généralement, mais il va t'écraser, tu vas devenir poussière. Tandis que si tu comprends que ce monde libéral, mais hélas, sans frontières, sans rien, est une immense arène dans laquelle se battent des réseaux économiques, plein de réseaux différents, des réseaux qu'on connaît. Voilà. Et en fait, c'est un combat permanent, tu vois. Et en fait, la seule chose que je veux, moi, c'est qu'on intègre, et ça existe déjà, crois-moi, hein, mais qu'on soit plus fort dans cette lutte-là, dans cette lutte armée d'idées, tu vois. Il y a le réseau sans fil et il y a le réseau sans faf, tu vois. Et c'est aujourd'hui, on est dans le réseau sans faf. Alors, il faudrait justement être beaucoup plus dans cette mentalité pour être capable de protéger nos intérêts. Parce que la politique aujourd'hui, comme l'économie, se fait dans la coulisse. Et on n'est pas véritablement en démocratie. Comme tout le monde sait, si on a Macron, c'est parce que les réseaux Macron dominent. Tout à fait. Et quelle est la cause, quelle est la conséquence? Ce n'est pas Macron qui met en place les réseaux Macron, c'est les réseaux Macron qui mettent en place Macron. Donc si vous voulez avoir un pouvoir patriote, un pouvoir européen ou ce que vous voulez, il faut être capable d'être très puissant dans ces réseaux-là. Et c'est possible. Il ne faut pas croire que c'est impossible, il ne faut pas croire que c'est trop grand pour nous, que ce sont des gens qui ont 180 QI, super malins, et qui sont, je ne sais pas, francs-maçons, juifs, reptiliens, ou ce que tu veux. Non, il ne s'agit même pas de ça. Chacun peut le faire s'il est dans cette logique-là, tu vois, d'initiative privée, personnelle. Et il y a déjà beaucoup de mecs comme nous qui y sont, mais qui sont isolés souvent. Et tu vois, voilà. Donc d'ailleurs, je passe un message, je ne connais pas ton public, mais si jamais des gens sont en train de monter une entreprise, sont en train de faire des choses et qui ont besoin de mise en relation, qui m'écrivent, parce que ce sera avec plaisir que je les aiderai pour ça. Ah bah, ça c'est... Ce tu vois, c'est cette logique-là que je veux, tu vois, c'est ça, major, c'est aussi ça, c'est... Major, ça veut dire plus grand en latin, tu vois, c'est devenir plus grand, voilà. Devenir plus grand, être dans cette logique-là, et quand tu commences à travailler personnellement dans cette logique-là sur toi-même, tu le fais après avec ton groupe, tu le fais avec ton clan, et après tu le fais avec ta nation, tu fais tout ça, si tu veux, c'est une boule de neige positive, tu vois, plutôt que d'être dans la boule de neige négative, oh, on est mauvais, on est nul, on se fait taper, on est machin, bah non, tu vas, t'essayes d'être dans le positif. Ça a l'air facile, de la façon dont je le dis, c'est pas si facile, bien sûr, on se prend tous des claques, c'est difficile, mais je sais in fine que si on veut réussir et gagner, il faut être dans ce mouvement-là. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, donc, que quelque part, la forme de dévirilisation des hommes mène à ce qu'ils se dévirilisent aussi politiquement dans leurs choix politiques. Quoi. Bien entendu, Mussolini disait « faites voter 50 millions de cons, vous aurez un con au pouvoir ». Et je suis désolé, si on a pu avoir François Hollande au pouvoir, si des mecs ont pu voter quand même, une majorité de Français ont pu voter pour François Hollande. Moi je veux bien qu'on dise c'est l'élite qui manipule en permanence le peuple, mais on a les élites qu'on mérite. Je suis navré de le dire, nous avons les élites que l'on mérite. C'est comme ça, parce que François Hollande, tu le mets en 1800, mais les Français, ils gouvernent un jour, si tu veux. Les Français de 1800, en une journée, ils te font une révolution et sa tête se retrouve sur la tête d'un pieu, si tu veux, tu vois, sur un pieu, directement. On a les élites que l'on mérite. Et je suis navré, moi je suis un petit Français qui vient de la campagne, je viens d'Ardèche, toute petite ville. J'ai voyagé dans toute la France, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai travaillé sur les marchés pendant des années. Tous les étés, je gagnais ma vie comme ça. Donc vraiment, le petit peuple, je le connais parce que j'en reviens. Je l'ai vu avec le Front National, j'ai fait tous les départements, donc voilà, les marchés, les petits boulots que j'ai fait, donc je le connais très très bien. Donc parfois je suis dur avec lui, mais je pense que moi j'ai le droit d'être dur avec lui, parce que j'en viens réellement, tu vois. Et ben, je suis désolé, quand tu vois le comportement des gens et ce qu'ils sont devenus, souvent, ben, tu comprends pourquoi tu as un François Hollande au pouvoir, et pourquoi certaines élites et certaines communautés, certains réseaux, ben, se régalent sur ce peuple-là. C'est trop facile, c'est super facile de lui faire les poches. Ben, et c'est pour ça qu'en fait... Il faut repartir de la base, recréons des hommes dans la mentalité, recréons cette logique-là, Et puis petit à petit, en travaillant sur les deux côtés, bien sûr, en travaillant à la base, et puis en travaillant bien sûr dans les réseaux internationaux, la grande politique et tout ce que j'essaye de faire un tout petit peu, bien, je pense que si on travaille comme ça en attaquant le front sur ces deux aspects-là, je pense que c'est peut-être en tout cas, la solution pour s'en sortir. C'est intéressant en tout cas comme solution, quoi, parce que ça voudrait dire qu'il y a. Parce que j'entends en ce moment beaucoup de solutions qui vont dans ce sens, même monter une équipe de Papacito, tout ça, Oui, bien sûr. c'est un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire de se réunir, de faire des projets ensemble, et que finalement, c'est par une espèce d'union du peuple qu'il y aura quelque chose qui pourra bouger après, plus tard en politique, quoi. Que ça, Ce que je sais, c'est que j'ai soupé, si tu veux, comment dire, des grandes idéologies et des grands changements. Parce que, encore une fois, j'ai commencé comme Oui, ça bah oui, aussi, si tu c'est ça veux. qui est Moi, je suis un intéressant. connard de 17 ans qui était là sur mon tableau et mes carnets. Quel est le régime idéal, un roi. Je voulais écrire un bouquin quand j'avais 16 ans, le régime idéal, par exemple, tu vois, alors chercher chez les empereurs romains, est-ce que c'est mieux d'avoir un système héréditaire ou adoptif, tu vois. J'adorais ça, tu vois, me faire mes films sur mes carnets, voilà, sur Internet. J'ai commencé à 18 ans la politique, plein d'idéologies, bah, comment, et n'être que dans le monde éthéré des idées, tu vois. On commence tous comme ça, c'est sain, tu vois. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, je me rends compte qu'en fait, et puis en plus là, je suis redevenu Nietzschéen, en fait, qui est mon maître. C'est-à-dire que c'est pas le réflexe qui suit la réflexion, mais la réflexion qui suit le réflexe. C'est-à-dire qu'en fait, ta pensée vient de ton corps, et quand on dit ton corps, c'est ta vie personnelle, c'est ta réussite personnelle, tes expériences, et la puissance, le potentiel que tu sens en toi, va déterminer l'idée que tu vas avoir. Et pas l'inverse, en fait. Donc, l'idéologie, c'est bien. Mais d'abord, concentre-toi sur ta vie personnelle, sur ta façon d'appréhender les choses, ta vie économique, ta vie sentimentale, ton corps. Mais quand je dis corps, c'est encore une fois, c'est le caractère surtout. Hein, et puis à partir de là, en fait, tu vas sécréter des bonnes idées. Tu vois? Après tout, même la gauche, la droite, c'est même pas important. Parce que je sais que si on a des Français, à nouveau des vrais Français qui ont conscience de leur intérêt personnel, leur intérêt de leur clan et de leur force, en fait, ils seront de droite ou même fascistes, j'en sais rien, mais naturellement, si tu veux, tu vois. Et quand on a un peuple affaibli, amoindri, fatigué, tu vois, qui se concentre que sur des petits besoins, tout petits besoins matériels, tu vois, encore une fois, le héros de Houellebecq, tu vois, le petit mec, bah, ce mec-là, s'il voit arriver un mec comme toi ou comme moi qui va lui parler de grandes idées, allez, on peut changer la France, on peut changer l'Europe, on peut faire plein de choses. Oulala, je vote Macron. Tu vois, il va avoir peur, le mec. Je vais Il va avoir avoir peur, peur, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il ne votera pas pour toi. Donc, il faut, voilà, il faut travailler sur l'individu. Et puis, moi, encore une fois, je tiens à la réussite personnelle de plus de monde possible de notre camp, tu vois. Et pour ça, bah, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire sur Major. devenez dur, c'est ce que disait Nietzsche en plus. Et puis, une autre chose sur Major que j'ai oublié de te dire, c'est aussi, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais dans tous les débats qu'il y a autour du MeToo, Balance ton porc et tout le reste, je sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, les seules personnes qui défendent les hommes sur les plateaux télé, c'est les gonzesses. Je sais pas si tu as remarqué ça. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs ont tellement peur Peur. d'aller sur ce. À l'époque, il y avait Zemmour et Soral, mais qui se sont plus politisés aujourd'hui, donc ils parlent moins de ces sujets-là, hommes-femmes et tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus un mec qui ose monter au front sur le truc. Ils sont tous comme ça. Et ce qui fait que ceux qui défendent sur les plateaux télé aujourd'hui la position des hommes et la position traditionnelle, à dire, attendez les filles, c'est pas si facile que ça, les mecs sont des violeurs, patriarcaux, connards, machin, et vous êtes des petites anges parfaites. Bah, les seules personnes qui osent porter la contradiction, c'est Eugénie Bastier, Ouais, j'ai dit Bastien, Natacha Polony, des Catherine Deneuve qui avait fait son truc, voilà, voilà, Thérèse Argot. C'est-à-dire que maintenant, mais tu vois, on a disparu de la circulation totalement, tu vois. C'est-à-dire que c'est des gonzesses qu'on doit nous défendre maintenant, en fait, si tu vois le truc. Donc le Major, c'est aussi pour ça, si tu veux. Donc voilà, abonnez-vous à Major, même si vous ne partagez pas tout, c'est toujours bien de suivre les articles qu'on va écrire, parce qu'il est temps que les mecs puissent quand même répondre et puissent aider, s'entraider à se former. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être de droite en 2018? Qu'est-ce que ça signifie? Bah, j'ai travaillé sur ça dans Sécession avec TV Liberté l'année dernière, parce que j'ai voulu me réapproprier ce terme de droite, en fait, parce que je me suis aperçu que depuis pas mal d'années, personne n'osait se dire de droite, en fait, utiliser ce mot. Et même d'ailleurs, je vous invite à regarder même l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, il ne dit jamais une fois qu'il est de droite. Tout le monde le sait, bien entendu, mais il ne dit pas ce mot, tu vois. Bon, pour des raisons aussi philosophiques, car la droite ne dit jamais ce qu'elle est, parce qu'elle est censée être tout ce qui est, c'est-à-dire La droite, c'est la France, le passé, c'est au-dessus, c'est Dieu, c'est la tradition, tu vois. Tandis que la gauche est une force constructiviste qui cherche à, qui se nomme parce qu'elle est un mouvement en marche. Tandis que la droite est, ce n'est pas un mouvement en marche, en action, c'est le tout, en fait. C'est ce qui est, la conservation. C'est aussi pour des raisons philosophiques. Mais du coup, je m'étais dit qu'il y avait peut-être possibilité de faire de ce mot droite un terme révolutionnaire, quoi. C'est-à-dire, je suis de droite. Et dans droite en 2018, bah ça comporte tout un corpus, même si on peut dire beaucoup de choses de droite. Être libéral, dans le bon sens du terme. Oui, libéral, parce que. De toute façon, Ouais. on est niqué avec ce terme-là. Parce Même qu'à là, chaque fois, on ne sait pas ce qui est si je exprimé me dis derrière. libéral, je sais qu'il va y avoir plein de commentaires en disant que je suis un C'est pas connard et tout ça, bien libéral, sûr. libéral, quoi, voilà. Non, puis que je suis un connard, machin, évidemment, mais non, mais simplement. Le libéralisme, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre, de faire des choses, qui est quand même très humaine et qui est plus masculine, ça au moins, voilà, c'est pas le monolibéralisme mondialisé que nous avons actuel, qui celui-là est à proscrire, bien entendu. Être de droite, c'est être identitaire, au sens de vouloir conserver et promouvoir, pas seulement rester sur la conservation, mais la promotion de ton identité, de ce que tu es, on va en parler. Et puis après, c'est des questions aussi d'ordre esthético-philosophico-politique. C'est ta façon de t'habiller, tes plaisirs personnels dans ta vie, ce que tu aimes manger, les paysages que tu aimes voir, les femmes que tu aimes fréquenter, les livres que tu aimes lire. C'est quand même autre chose, si tu veux, que le gauchiste qui n'écoute pas la même musique que moi, qui ne lit pas les mêmes bouquins que moi, qui s'habille pas comme moi, qui n'aime pas du tout les mêmes bourdasses que moi. Ben tu sais, voilà, c'est un monde tout entier, si tu veux, d'être droite par rapport à ce monde gauchiste, où moi, là, en revanche, je fous dans le terme gauchiste toute la postmodernité, en fait. C'est-à-dire que l'animateur de Canal+, qui est capable de voter à droite, et en tout cas d'être complètement libéral économique, ce qui fait qu'il se croit de droite, pour moi, c'est un gauchiste, tu vois. Donc voilà, c'est le gauchisme. J'ai pensé à l'époque de Sécession, et je le pense toujours un petit peu, que plutôt que d'aller se chercher des mots un peu compliqués, est-ce qu'on est identitaire, est-ce qu'on est patriote, est-ce qu'on est souverainiste, est-ce qu'on est ceci ou cela, peut-être simplement se dire de droite, De parce droite, ouais. qu'il n'y a plus de gouvernement de droite en France depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. Donc c'était un petit peu ce qu'on j'avais essayé de faire avec Sécession. D'accord. Donc en fait, en gros, même ce qu'on appelle la droite classiquement, donc les Républicains, etc., ils ont été quand même pervertis à des idéaux de gauche. Ils sont gauchisés, entre guillemets. Ah bah totalement, ça fait Ouais. partie malheureusement du mouvement de l'histoire, c'est que encore une fois, la gauche a triomphé dans niveau culturel, Ouais. elle a triomphé aussi dans les corps, parce qu'il n'y a pas que la culture, on parle en ce moment beaucoup de Gramsci, c'est le cheval de bataille de Marion, de dire on va changer la culture. Mais en fait, c'est pas qu'une question de culture, il y a aussi, là on va essayer d'être un petit peu indulgent pour les gauchistes, mais il y a aussi une question de facteurs, comment dire, socio-économiques et de ce que Marx appelait l'infrastructure et la superstructure d'ailleurs. Les Français et les Européens de l'Ouest, d'une manière générale, sont entrés dans le monde de la ouate après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'économie était très facile. C'était facile de gagner de l'argent, objectivement. C'était pas toujours facile, mais enfin, bon, les gens vivaient plutôt bien. C'était la période de croissance incroyable. La liberté était grandiose parce que la liberté des mœurs se développait et ainsi de suite. On avait le sentiment d'être sorti de l'histoire parce qu'on sortait des deux guerres mondiales qui avaient été catastrophiques et en plus on entrait dans l'ère des bombes atomiques donc on se disait ben, on n'a plus à se tenir prêt avec la baïonnette pour se battre contre l'Allemand. Imagine que mon arrière-grand-père il écoutait la radio tous les matins pour savoir, il disait pour savoir si on est en guerre. Là, tous les matins il allumait le poste radio pour savoir s'il n'allait pas être mobilisé dans les 2 jours qui allaient suivre, si tu veux. Cette peur au ventre, cette sorte de peur, te maintient en tant qu'homme, tu vois. Et là, il n'y avait plus rien. Les mecs, plus d'insécurité. Il n'y a aucune insécurité, qu'elle soit au niveau des guerres internationales ou même dans la rue, parce que c'est des peuples encore homogènes, facile de gagner de l'argent. Donc, quand tu vis dans ce monde-là, il est facile pour toi de développer des idées qui correspondent à ce que tu es en train de vivre. Et encore une fois, c'est le corps qui détermine l'idée et non pas l'inverse, tu vois. Tu vis bien. T'as peur de rien, t'as pas peur de ton avenir, tu sais que tu seras plus jamais en guerre, en tout cas plus jamais de guerre mondiale, ou alors vite fait, les guerres au Moyen-Orient et tout, mais qui te touchent, voilà, sans plus. Mais quand tu vis dans ce monde-là, l'être humain a toujours besoin de justifier ce qu'il est en train de vivre. La psychologie fonctionne comme ça. Donc à partir de là, bah, tu vas développer des idées de gauche, gauchistes, tu vois? Parce que les idées de gauche correspondent du coup, eh ben, pourquoi s'emmerder, hein? Tu vois, c'est le relâchement, tu vois. Bah, faut se relâcher, il faut pas se tenir. Pourquoi les militaires, ils sont vraiment ridicules à se tenir droit? Pourquoi se tenir droit? C'est tellement bon de s'affaler sur le canapé. Et parce que tu as un canapé, tu vois. Donc tu peux penser comme ça. Et voilà. Et donc toutes ces générations-là, post-68ards, des post-68ards, ont été parmi les pires générations de dégénérés parce que les temps étaient vraiment faciles. Aujourd'hui, nous entrons dans d'autres temps. Forcément, à cause d'eux. Voilà, eux, ils n'ont pas pensé à l'avenir, évidemment. Donc voilà, nous, les nouvelles générations, on est dans la merde. Parce que nous, on a à gérer une crise économique qui est énorme. Très difficile de trouver du boulot, de gagner de l'argent. Il faut se battre. Même le monde de l'entreprise, il en parle tous les matins. Fondez votre entreprise. Mais c'est quand on n'a pas des réseaux, qu'on n'a pas des connaissances et qu'on est un petit mec isolé dans la campagne, c'est très compliqué de pouvoir monter son entreprise. Même si c'est possible, attention, c'est possible, mais c'est compliqué. Donc la crise économique est difficile. La situation internationale redevient un petit peu dangereuse. Et puis surtout, dans la rue, on est confronté à l'insécurité. C'est-à-dire que on n'est plus mon grand-père qui écoutait à la radio tous les matins s'il allait entrer en guerre ou pas, s'il allait être mobilisé à la guerre, mais tu n'as qu'à sortir dans la rue pour être en guerre parfois, tu vois. Donc là-dessus, les mecs se disent, oula, attends, attends. Du coup, mes idées de gauche qui me poussent à m'affaiblir, à pas me développer personnellement, justement, à penser à l'égalité, à la tolérance, l'humanisme, toutes ces valeurs-là. Peut-être que ça pue un peu tout ça. Et donc, encore une fois, c'est le corps qui va, enfin, le corps, tu vois, ton expérience, ta vie, qui va te déterminer les nouvelles idées. Et comme par hasard, les idées de droite se reviennent en ce moment en flèche, En notamment chez flèche, les et jeunes. notamment chez les jeunes, c'est ça, là, c'est ce que j'allais dire, parce que Et toi, c'est pas les idées, encore une fois, c'est ton expérience personnelle. c'est intéressant, parce qu'effectivement, quand on voit ce regain, c'est vraiment indéniable, de ces idées-là chez les jeunes, particulièrement extrêmement touchés. Évidemment. Voilà, dans la façon dont tu l'expliques, c'est vachement cohérent, quoi. Ouais, pour le coup, c'est pour d'ailleurs les gens qui dépassent les 55-60 ans, eux, Ils comprennent toujours ils rien. comprennent rien, Bah, ils sont restés attends, bloqués, eux, ils ont incroyable. bossé toute leur vie assez pépère. Ils ont eu la culpabilité en plus de la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Oui, ils ont aimé. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est ça, c'est l'esprit chrétien en plus qui est très imprégné dans le peuple européen. C'est que ils ont quelque chose à se reprocher d'avoir vécu dans la ouate comme ça, si tu veux. Et comment le vivent-ils? Par l'ethnomasochisme, tu vois? Non, C'est-à-dire qu'en fait, d'accord, du coup, ils ont quand même, ils savent qu'ils étaient un peu tranquilles comparé à leurs grands-pères et leurs arrière-grands-parents. Donc, du coup, vu que le chrétien a toujours besoin très souvent, un chrétien, pas tous bien sûr, mais de se flageller un petit peu, bah, du coup, il s'est inventé l'ethnomasochisme, les blancs, mauvais, tout en étant dans la maison de campagne, ou le bon arrondissement parisien, en ayant bien gagné sa vie et tout. Et donc, nous, les nouvelles générations, on se tape. La crise économique, on n'a pas la maison de campagne et en plus on a l'ethnomasochisme qui nous ont mis sur le dos. Donc il y a de quoi être un petit peu en colère, quoi. Ah non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, en plus, bon, t'en as parlé tout à l'heure du libéralisme. Effectivement, moi, c'est deux notions que je voulais un peu opposer, mais le libéralisme, collectivisme, parce que selon toi, c'est quoi? On a besoin en France en ce moment de plus de libéralisme, ou revenir justement à un collectivisme à la façon CNR? Bah, tout dépend du cadre, en fait. C'est toujours pareil. Le problème, c'est que si j'écris sur un tableau noir mon modèle économique parfait pour la France, dans une France des années 60, homogène, sans problème, tout cela, je ne serai pas ultralibéral. Pas du tout. Parce que l'ultralibéralisme n'est pas du tout mon modèle de société. Mais il faut toujours penser en fonction de ce que l'on peut faire et ce qui peut nous arranger à l'heure H, au moment présent. Aujourd'hui, je me dis que l'État que nous avons, la France, est un État zombie. C'est-à-dire que c'est un État qui dévore ses propres enfants. Qui dévore par les taxes, que ce soit économiques aujourd'hui, c'est qui des taxes qui sont hallucinantes. Général de Gaulle n'était pas un libéral, mais les impôts à l'époque, j'ai oublié le mot, comment on appelle ça? Enfin, l'ensemble des taxes, impôts, taxes, tout, ne dépassait pas 43%. Aujourd'hui, on est proche de 60%, tu 60 vois. % je Voilà. crois, Donc, tu vois, pourtant, le général de Gaulle n'était pas du tout un ouais, ultra-libéral, tu un vois, pas grand du tout. Ben, voilà. Mais au moins, communiste, ouais, à cette époque-là, on pouvait créer son entreprise et on n'avait pas le sentiment d'être esclave d'un théorique. système. Surtout pour financer ce qu'on finance aujourd'hui. Bon, bref. Donc, l'État que nous avons dévore ses enfants et, en fait, maintient une sorte de cohérence, une cohérence de société qui n'est plus que du vernis. C'est-à-dire que si tu supprimes l'État nounou que nous avons, la République et ses ors, tu verrais, mais d'un coup, la société française telle qu'elle est, c'est-à-dire la merde dans laquelle elle est, c'est-à-dire avec toutes ces communautés, avec tous ces gens qui sont inaptes aujourd'hui au travail, tout le reste et tout, et tu verrais en fait le roi nu. Et en fait, moi j'ai envie que, si tu veux, que ce moment arrive. Parce que là, pour le moment, on est dans une période, ce qu'on appelle dilatoire dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on gagne du temps. Et la République, avec ses subventions, avec ses idéologies, le ministère de la Culture, ou qui est l'éducation, le vivre ensemble, tout ça, puis le social, où on dépense pour les immigrés, pas que pour les immigrés d'ailleurs, aussi pour des Français qui sont sortis d'un modèle viril, justement, aussi beaucoup, eh bien, en fait, ils arrivent à maintenir une société qui n'en est plus une, mais depuis longtemps, tu vois, et qui va exploser un jour ou l'autre. C'est sûr. Et en fait, dans ce cadre-là, moi, je me dis parfois, ben, j'ai envie que ça explose maintenant, tu vois. Faut au moins qu'on puisse voir les choses telles qu'elles sont et pouvoir rebâtir quelque chose de nouveau et remettre les choses en cohérence, si tu veux. Souvent, ben, les sociétés repartent après une guerre, par exemple, tu vois, parce que ça remet un peu les choses à plat. Et là, en fait, cette société, voilà, est en train de se maintenir, et en plus de se maintenir pas dans notre intérêt à nous, faut le savoir, les Européens et tout ça. Donc, le libéralisme, pour moi, c'est une façon de foutre en l'air un peu ce monde-là, tu vois. Parce que si demain, l'État cesse de balancer des subventions à tout le monde, cesse de financer l'immigration, et devient véritablement libéral, c'est-à-dire un État qui, maintenant, les gars, vous gérez, tu vois. Mais là, l'individu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tous les individus vont se reformer en communauté, parce qu'ils auront besoin des uns des autres, la solidarité. Ils vont se revitaliser parce qu'ils vont créer leur entreprise, ou faire bosser les copains, bosser entre eux et tout, parce que sans ça, le libéralisme, sinon ils seront bouffés, ils crèveront. Les immigrés, ben, ils seront plus financés, plus rien, les personnes d'origine immigrée, donc soit elles deviendront ultra-violentes, il faudra se battre contre eux, donc au moins les choses seront dites, tu vois, soit ben, elles repartiront. Donc tu vois, dans cette optique-là des choses, moi je me demande si je ne suis pas de plus en plus libéral, mais au sens du vrai libéralisme. Parce qu'au moins ça permettrait peut-être de remettre de voir le roi tel qu'il est, le roi nu, et du coup de pouvoir construire sur l'actuel état de la société française. D'accord, c'est intéressant parce que justement j'en avais parlé une fois avec un invité, et sur lui il était pour enlever les allocations parce qu'on on abordait le sujet de la remigration. Est-ce que tu crois que c'est viable ce projet de remigration? Encore une fois, pour moi, la remigration, je sais que c'est très à la mode aujourd'hui. J'ai vu les trolls sur Internet du type l'esquin, tout ça, ils s'amusent avec ça, machin. Bon, c'est rigolo. Après, quand on est un peu plus dans le sérieux, oui, c'est facile d'être pour la remigration. Je suis pour la remigration, voilà. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai changé? Rien du tout, si tu veux. Donc, tu peux dire, le mec qui est en commentaire, Rochdi, c'est un connard parce qu'il ne parle pas de la rémigration. Bon, d'accord, je suis pour la rémigration. Voilà, bon, ouais, je l'ai dit. Mais si tu veux, ça n'a aucune espèce d'intérêt de dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup trop de personnes d'origine immigrée en France, c'est entendu, tout le monde le sait. Nous avons affaire à des communautés qui sont en train de se souder. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, si ce n'est justement souder nos communautés, de pouvoir penser à prendre du pouvoir, pas forcément à titre étatique, parce que le pouvoir, il est diffus, tu peux le prendre à niveau économique, au niveau régional, au niveau local. Le pouvoir est une notion très diffuse, en fait. Hein. Voilà, être les meilleurs. Être les meilleurs dans la société française pour dicter notre loi. Voilà. Alors peut-être pendant quelques années, pas sur tous les territoires français, parce qu'ils ont été trop communautarisés, mais en attendant, c'est ce que nous pouvons faire dès aujourd'hui, ça, tu vois, de commencer à penser comme ça. Quant à l'idéal, in fine, s'il faut que je dise le mot, oui, bien entendu, je pense que l'Europe doit être le continent blanc, ce qu'on appelle, parce que il est tout à fait... Je trouve ça assez hypocrite de lire dans les journaux, par exemple, quand ils appellent l'Afrique le continent noir, l'Asie le continent jaune. Ils le disent sans aucun problème. Alors va dire l'Europe le continent blanc. Tu finis à 17e. Sans même parler de race, sans même parler de tout ça, tu peux envisager même la couleur comme un bien culturel, tu vois, comme un bien culturel à défendre. Il y a des individus sur cette terre qui sont blancs, c'est comme ça, avec leurs qualités esthétiques, leurs caractéristiques plutôt esthétiques, tout ça. Bien, il est culturellement bon que de sauvegarder ces populations comme je sauvegarderais les populations indiennes si je l'avais pu à l'époque, tu vois. Donc tu peux envisager la chose comme ça. Et voilà, l'Europe doit être in fine, et pour toujours, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est doit être le continent blanc, comme il y a le continent noir et le continent jaune, et qu'ils puissent vivre en bonne intelligence, d'autant que nous entrons dans le... C'est pour ça que je suis un petit peu moins patriote, un petit peu moins nationaliste aujourd'hui, beaucoup plus européen au sens civilisationnel, parce que j'ai lu Huntington, et je pense qu'il a tout à fait raison. Nous entrons dans le monde de la civilisation, en fait. Maintenant, ce sont des grands espaces civilisationnels qui vont s'affronter, ou collaborer, travailler en commun, et l'échelle nationale n'est plus d'actualité. L'échelle nationale est une échelle qui a été très très bonne et très efficace pour le 17e, 18e, 19e siècle, XXe siècle. Et aujourd'hui, nous entrons par rapport à tous les grands enjeux. On en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, parce que là, je vais me faire insulter, mais c'est comme ça. J'ai commencé très, très patriote français. Donc, c'est juste que c'est une évolution. Nous entrons dans des aires de civilisation aujourd'hui. Et donc, il faut arriver à créer, justement, non plus à retrouver, tu vois, c'est là où les choses changent aussi. C'est à créer cet espace civilisationnel européen, boréal, pour qu'il puisse être compétitif face à l'espace asiatique qui est en train aujourd'hui de se resserrer sur la Chine, parce qu'il faut voir aujourd'hui que même le Japon, des pays comme le Japon par exemple, qui est très ennemi des Chinois, mais en fait beaucoup de gens qui sont des sinologues et des gens qui connaissent bien aussi également le Japon disent que dans le siècle à venir, le Japon va se rapprocher de la Chine au fur et à mesure. Et en fait, si tu veux, tout le monde se regroupe en ce moment. Toutes les nations se regroupent autour de sphères civilisationnelles. Et je pense que la politique des deux siècles à venir, j'en suis sûr et certain, va se jouer autour de ces aires civilisationnelles. Et l'avantage avec ça, juste pour faire un petit lien avec ce que je disais sur la positivité, ce que j'aime avec cette idée-là, c'est que c'est une positivité, dans la mesure où on n'est plus... Il faut retrouver la France du 19e siècle, il faut retrouver la France grande, belle et tout, qui a été mon rêve en toute ma vie. Attention, je ne dis pas que c'est facile de faire ce deuil-là. Mais d'être justement dans un projet de puissance, tu vois, d'être dans un projet de nouveau, il faut créer quelque chose. Je pense que l'on obtient vraiment les gens quand on dit « il faut créer et fonder quelque chose » et qu'on obtient toujours qu'une petite partie des gens quand on dit « il faut retrouver quelque chose ». Et là, c'est un message que j'adresse à tous mes amis qui restent mes amis, bien entendu, patriotes, souverainistes et tout le reste, c'est que je pense qu'ils se leurrent, car l'histoire ne repasse jamais les plats, comme disait Céline, et je pense qu'ils se perdront toute leur vie à essayer de retrouver un rêve passé, qui était la France du général de Gaulle, la France de Napoléon, sur laquelle j'ai rêvé moi aussi, encore une fois, j'ai rêvé de toute mon âme, j'ai rêvé à cela, mais je pense que c'est fini, et je pense qu'il faut au contraire maintenant investir nos forces dans un nouveau projet. Et d'autant que les Européens sont très comme ça, en plus. Si tu veux, nous, Européens, on a besoin d'être de marcher en avant, si tu veux. C'est comme ça. Toute notre histoire est ainsi. Le français ne se reconquit pas, si tu veux. Tu ne feras pas du français un Indien d'Amérique. C'est pour ça que le misérabilisme blanc, il faut sauvegarder les Français blancs, est-ce que nous sommes ? Ça peut marcher auprès d'une petite population qui est un peu en déshérence, mais ça ne créera pas de grands projets. Et le pire, c'est que les Blancs, les Européens réussissants, n'auront pas envie de te rejoindre, du coup. Et ils iront chez Macron et chez les progressistes, parce que ça donnera l'air d'être un truc en marche, en avant, quelque chose, tu vois. Donc, en fait, je pense que la clé, c'est de trouver un projet qui soit bandant, tu vois. Un truc, voilà, on va créer l'Europe, la civilisation européenne, on va se mettre en commun. Voilà, ça, c'est un rêve pour des siècles et des siècles, tu vois. Et là, je pense que tu obtiens non seulement les petites gens qui ont envie d'être protégés en tant que blancs, tout à fait normal, je ne me prise pas, j'en suis un aussi, mais qui obtient aussi en plus les mecs qui ont de la testostérone en eux et qui ont envie d'aller vers la puissance, vers la truc. Parce que cet idéal misérabilisme nationaliste français, Finkielkraut en parle par exemple, et lui c'est ce qu'il aime, tu vois. Il dit, il cite souvent la philosophe chrétienne qui a le même nom que c'est la Simone Veil, qui parle de l'arrivée du patriotisme de compassion, ce qu'elle appelle. C'est-à-dire que maintenant, on devrait sortir du patriotisme de puissance et de gloire pour en avoir seulement qu'un patriotisme de compassion. C'est-à-dire un patriotisme où ben, on cherche à conserver ce que nous sommes, à aimer ce que nous sommes, à sauvegarder, à préserver ce que nous sommes, tu vois. Ben, je pense que ce patriotisme-là, aussi beau soit-il, est voué à l'échec. De par la nature même des Européens. Et des Français, donc, qui sont des Européens. Parce que ces gens-là, si tu veux les avoir, et vraiment que le Front National ne fasse pas 20%, qu'il fera éternellement, mais avoir un vrai mouvement qui balance, mais il ne faut pas leur parler d'un truc, on va sauvegarder ce que nous sommes, conserver ce que nous sommes, ça marche aujourd'hui un petit peu, forcément, mais je pense que tu peux vraiment les avoir en disant, les gars, on va avoir ça, on va fonder ça, on va créer quelque chose de nouveau, on va être puissant, on peut même être la première puissance du monde, tu vois. La France ne reviendra jamais la première puissance du monde, elle le fut, elle ne reviendra jamais cela. En revanche, si tu dis aux gens, avec l'Europe, en créant cette sphère de civilisation et tout, on peut être les plus puissants au monde, c'est-à-dire dire aux Américains de se la fermer, et dire aux Chinois, dire tout, on peut arriver à faire ça. Je pense que c'est par ces biais-là que tu crées quelque chose. Oui, mais c'est pas. Mais ce que tu me dis là, c'est pas justement ce qu'a fait l'Union européenne quand même depuis longtemps, on va se mettre ensemble, on va. C'est tout l'inverse. Il faut voir l'Union européenne comme un régime. C'est-à-dire que, par exemple, si tu n'aimes pas la République en France, que tu es monarchiste. Tu es contre la République française, tu n'es pas contre la France. Il se trouve que l'Union européenne est un régime absolument dégueulasse qui a été apposée à la France, en plus par un peu les Américains, tu le sais, pas besoin de le préciser, pour justement maintenir cette Europe-là en dormition, comme disait Dominique Vénère, en faisant qu'elle ne devienne jamais une puissance. L'Europe telle qu'elle est construite est faite pour dégoûter de l'Europe, justement. Et les Américains jouent beaucoup sur, à la fois on soutient l'Union européenne, mais on soutient énormément ces divisions en fait en interne. Et sur l'euro, ils jouent beaucoup là-dessus, par exemple, sur la déstabilisation de la monnaie européenne. Parce qu'ils ont eu peur, à un moment donné, il y a quelques années, notamment avec la crise, que l'euro puisse devenir la monnaie de change internationale parce qu'elle était plus stable que le dollar. Que le Et dollar, ça, tout à les fait. Américains Tout ont à fait. peur. Donc si tu veux, ils jouent là-dessus. Ah, unissez-vous, mais pas trop quand même, machin. Et l'Union européenne et ses commissaires, qui sont des petits mecs, des nains, tu vois, des nullos qui n'ont aucune conscience de ce qu'est la civilisation européenne et qui dirigent l'Union européenne, est à vomir. Mais c'est un régime qu'il faut renverser. Mais ça, c'est pas parce que tu es contre l'Union européenne que tu es contre l'Europe, tu vois. D'accord, oui, bien sûr, oui, d'accord. C'est un régime à renverser. C'est Parce que comme tu... s'il y avait une république de corrompus, de voleurs, de menteurs qui dirigeaient ton pays. Bah, c'est pareil. Donc tu te places comment dire, dans une perspective où on pourrait, Révolutionnaire européen. révolutionnaire européen, on pourrait s'unir en fait avec d'autres pays européens dans un Alors, projet commun? ce que je veux dire à ce propos, parce que là, les gens plus intelligents que moi vont dire, oui, mais Julien, comment on fait ça? Selon quelle forme? Selon quel machin? C'est pas possible, Les mecs de l'Allemagne, l'UPR, la ils sont France. pas loin là. Tu les Ah, bah ils sont déjà là. là, bien sûr, ils sont là avec leur tête dans leur corps, quoi. Mais j'ai envie de leur dire, si tu veux, avant de parler de mariage, de où est-ce qu'on va se marier à l'église, qui va faire la vaisselle le samedi, qui va garder les enfants, machin, avant de parler des modalités du couple, d'abord tu crées le désir, tu vois. Et là, pour le moment, j'ai pas assez travaillé la question. Ben, je l'ai travaillé, quand je dis ça, c'est pour faire le. Mais je veux dire, j'ai pas la solution parfaite sur mon tableau noir, encore une fois. L'Europe fonctionnera comme ça, selon une confédération ou une fédération européenne avec un empire. Je peux pas te dire ça, c'est ridicule de le dire maintenant. Ce que je sais en revanche, c'est que toutes les grandes réalisations politiques commencent par un désir et une idée qui commence à intégrer les âmes. Et donc, nous, on est à ce stade-là. Moi, je passe aujourd'hui mon temps en Europe, beaucoup. Je connais aujourd'hui énormément de jeunes dirigeants européens, de jeunes, par exemple Thierry Baudet, qui est un ami à moi en Hollande, Gustav Kasselström en Suède. Je connais beaucoup de mecs du FPÖ et tout. Et si tu veux. Ben, je reviens par exemple d'une conférence internationale où il y avait tous les partis nationalistes européens et tout, donc c'est des mecs que je connais personnellement. Je me sens européen totalement, ces gens-là sont mes frères. J'ai plus de liens parfois avec eux qu'avec un corréligionnaire français. Voilà. Et si tu veux, même si eux sont encore dans cette logique patriote, et on l'est tous encore, parce qu'on est en train de faire notre mue, si tu veux, ils commencent à sentir ça au fond d'eux. On est confronté au même problème. Et que surtout le monde de demain, face à la puissance monumentale qu'est la Chine et les États-Unis, et même la Russie dans une certaine mesure, mais la Russie, c'est nos cousins, c'est pas nos frères, mais c'est nos cousins européens, bon, c'est un peu différent. Si tu veux, les grands enjeux de demain, les grands enjeux économiques, les grands enjeux autour du transhumanisme, autour de l'intelligence artificielle, autour de tout ça, nécessitent des milliards d'investissements. Et quand je dis des milliards, c'est-à-dire que. Aujourd'hui, dans nos pays européens, on investit un centième de ce que les empires civilisationnels sont en train d'investir. Donc, et ça, c'est eux qui domineront le monde. Mais que je veux dire, on sera des esclaves si on n'est pas capable de partager nos forces de ce point de vue-là. Donc, que ce soit dans l'écologie, que ce soit par rapport à l'immigration, je cite un exemple, par exemple. Aujourd'hui, grâce à Dieu, en Italie, les patriotes ont gagné. Ils veulent virer les immigrés. Parce que l'Europe n'est pas créée, tu penses qu'ils vont aller où? Ils vont aller en France? Donc nous en France, là, on se réjouit. Mais bien sûr, tous les migrants, là, dès que les Italiens les foutent dehors, hiou, ils passent la frontière. Et c'est en France qu'ils vont arriver. On est tous en train de se réjouir, là. Ah, c'est génial, Salvini, il a gagné en Italie. Ben non, les gars, parce que les clandestins vont venir en France, tu vois. Donc pour gérer l'immigration qui va être, je le rappelle, monumentale. Parce que là, on est en train de. Il faut quand même avoir Ouais, parce conscience. qu'on est qu'au début, là, en plus, c'est Il faut ça. avoir conscience que là, ce que vous vivez, ce que l'on est en train de vivre, qui est déjà insupportable, c'est les prodromes, c'est les débuts. L'Afrique va gagner 1,3 milliard d'habitants en 2050. Les démographes prévoient 200 millions d'Africains supplémentaires en Europe en 2050. Donc et ça, c'est les chiffres, vous pouvez aller voir. Et c'est pas l'extrême droite qui dit ça. Hein. J'ai lu ça dans Le Point cette semaine, si vous voulez encore. Tu vois, c'est totalement mainstream. Donc, je veux dire, là, on est confronté à des vagues humaines. Il n'y a jamais eu des trucs pareils dans l'histoire. Donc, des problèmes d'immigration comme ça. Je pense qu'on arrivera à les soulever en mettant un mur sur la Côte d'Azur, non. Et trois mecs avec des bombers dans les Alpes, même des flics, même Non, si tu veux, ça, tous les grands problèmes de demain, écologiques, migratoires, économiques, technologiques, l'intelligence artificielle et tout, ne pourront se régler que dans les sphères civilisationnelles. Alors, sous quelle forme encore, j'en sais rien, je ne peux pas te répondre là. Mais ce que je sais, c'est qu'en Europe, ce désir est en train de monter et que je veux partager ce désir. Mais ça voudrait dire qu'on va être dans un monde orwellien, un peu, avec des grands ensembles. Et... Parce que, C'est le monde de demain! quelque part, pour arriver en tout cas à ce stade européen, quel qu'il soit, même en bazardant l'Union européenne, on va dire, d'aujourd'hui, et en allant vers un autre projet, mais ça passera forcément par la case destruction des nations. Non. Mais tu sais, Jean Béchelaire a travaillé là-dessus, il appelait ça les morphologies politiques. Et Pierre Manant a travaillé là-dessus aussi, il a montré comment on est passé en 2000 ans, même plus en 3000 ans, d'une morphologie politique de cité, les Grecs, après d'empire, après de. Comment il appelait ça? Du magistère de l'Église, le Saint-Empire romain germanique, qui était une sorte d'unité, mais qui n'était pas totalement politique, mais que c'était quand même une morphologie politique. Puis celle des nations. Les nations, États-nations. Il faut savoir une chose, c'est que l'histoire, c'est un fleuve mouvant qui avance. Alors on peut rester accroché, il y avait beaucoup de Grecs qui à l'époque disaient, oh, putain, on veut rester dans notre cité grecque, on ne veut pas aller dans l'Empire. Mais oui, mais l'histoire t'a roulé dessus, si tu veux, c'est comme ça. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut arriver à conserver ce meilleur de France. Casse pas tout. Non, c'est... Il faut arriver à conserver le meilleur de la France, et je suis sûr que la France pourrait se fondre et être parmi comment dire, être le leader, pourquoi pas, de tout ça, tu vois. Moi, je veux, attends, je suis pas tout le monde être première. Quand je suis avec mes amis européens et tout, je suis premier des chauvins et tout. Faut pas croire, tu vois, je suis pas en train de dire, ah les gars, justement, à la Macron, c'est bon, la France, c'est de la merde, on la jette. Non, non, je pense que la France est capable, justement, avec les nations européennes, de changer un petit peu, on changerait de morphologie politique, mais justement pour nous conserver et nous développer encore mieux en tant que Français, tu vois. Parce que moi, je suis, tu sais, Bernard-Henri Lévy dit, je suis un Européen d'origine française. Il dit ça. Moi, je lui réponds, moi, je suis un Français d'origine européenne. Tu vois, à l'inverse. Donc, en fait, comment dire, est un pilier magnifique dans le temple européen. Et c'est peut-être le plus beau des piliers. Tu vois? En tout cas, c'est ce que je dis à mes amis européens. Mais voilà, il faut que ce soit quelque chose qui appartienne à un ensemble qui pourra seul survivre. Parce que, de toute façon, je vais te dire, si on ne fait pas ça, c'est très simple. Déjà, d'une, essayer de prendre le pouvoir en France, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 30 ans, et de réinstaurer une politique nationaliste, souverainiste et tout ça. Pas sûr qu'on y arrive. Parce que justement, c'est avec cette rhétorique du redevenons ce que nous fûmes, je ne pense pas qu'on aura une majorité de Français. Mais allez, supposons. On y arrive. On récupère la France. Marine Le Pen arrive à la tête de l'État, toi, moi, n'importe qui. Ok, tu récupères et tu veux être souverain. Tu parles de la souveraineté nationale. Bah, tu te retrouves, tu reprends ta monnaie nationale, ton franc. Celui-ci va être à la botte du dollar. Toujours. Bah, forcément. Par exemple, les monnaies d'Amérique latine, ils ont leur indépendance, mais elles sont à la botte du dollar, non, parce ça, que c'est ça reste la forcément. monnaie de change Tout à fait. internationale. Donc toi, avec ton franc, tu vas te croire souverain, mais en fait, tu ne le seras pas plus qu'avant, parce que tu le seras vis-à-vis de la Banque centrale de Francfort, si tu veux, mais tu ne le seras pas vis-à-vis des Américains, qui en fait sont les vrais maîtres du jeu. Tu vas te trouver en face de problèmes migratoires, ou avec ton petit pays, ça va être très compliqué de te refermer. Tu vas t'apercevoir que tous les enjeux mondiaux, eh bien, tu n'es pas de taille et pas à l'échelle pour pouvoir les gérer. Et puis, qu'est-ce que tu vas devenir, in fine, quand tu perdras l'élection et qu'un autre mec te prendra ta place 5 ans après? Mais il retournera dans le giron américain. Parce qu'en fait, le fait que nous soyons divisés comme ça en petites nations, du coup, nous oblige à être dans le giron occidentaliste américain. Et moi, ça, je suis plutôt très contre. C'est-à-dire, toi, si tu verrais plutôt quoi, un giron européen, c'est-à-dire s'allier entre Européens Ah et oui, dégager les Américains, c'est-à-dire que des moi, je ne Européens suis pas occidentaliste. entre. Moi, je ne suis pas du tout occidentaliste. J'ai une défiance vis-à-vis des Américains. Pas forcément du petit peuple américain, mais moi, les Américains, c'est pas mon truc. Déjà parce qu'ils me dominent. Déjà, c'est une question psychologique, tu sais. Après, en psychologie, moi, si tu veux, quand un mec me. Quand t'as la, quand tu arrives dans la cour d'école et que tu as un mec qui domine toute la cour d'école, mon premier réflexe, c'est d'avoir envie de lui casser la gueule, tu vois. C'est une question psychologique, tu vois. Moi, je suis né, depuis que je suis gamin, justement, ayant lu l'histoire de France, où on était les plus forts, les meilleurs, voir aujourd'hui que c'est les Américains qui nous imposent leur culture, leur cinéma, leur truc, puis qui nous biaisent, qui nous baisent, mais comme ils veulent. Hein. Je ne sais pas si tu as vu l'extraterritorialité, ils sont capables de nous imposer leurs lois, capables de prendre l'argent dans nos banques et tout. Ils font ce qu'ils veulent, de nous espionner comme pas possible et tout. Moi, ça me fout les nerfs, ça, c'est pas possible, je ne veux pas ça. Et je veux être capable de les affronter, tu vois. Pas forcément les tuer, je ne suis pas anti-américain, mais maintenant de dire, les gars, oh, ok, vous me respectez. Malheureusement, en tant qu'uniquement français, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire que j'ai tort, mais s'ils réfléchissent vraiment, c'est vrai. En tant que seul français, je n'y arriverai pas. Ou alors, il faudrait qu'il y ait 65 millions de Français comme moi, tu vois, ce qui n'arrivera pas, tu vois. À la limite, s'il n'y a que des combattants français à fond, mais quand tu vois le peuple français tel qu'il est, non. Les Français, ils vont dire, non, je te suis pas. Mais à la limite, je te suis si, justement, il y a les Allemands avec nous, les Italiens et tout, tu vois. Mais s'ils se sentent seuls, et même avec des grandes gueules comme moi, ils diront, vas-y, va en première ligne. Et puis après, ils me trahiront par derrière, tu vois, l'esprit français. Donc, voilà. Et ça, moi, je veux pouvoir dire aux Américains, maintenant, vous cessez de nous imposer vos guerres, vous cessez de nous imposer votre monnaie, vous cessez de nous imposer vos dettes, votre modèle de société, tout cela, tu vois. Donc c'est aussi pour cette raison. Et puis, il y a l'Amérique qui est un problème, ça, c'est sûr. Mais la Chine en est un autre, qui va être terrible. Le monde arabo-musulman également. L'Afrique va devoir être à gérer aussi, enfin, si tu veux, il y a plein de choses. Et pour revenir sur les Américains, beaucoup de gens pensent qu'on est les mêmes, parce que ce sont des Blancs, encore qu'eux, ils le sont de moins en moins d'ailleurs. Parce qu'on regarde les mêmes films et on bouffe au même McDo. Mais c'est faux, je veux dire, d'un point de vue historique, il faut savoir que l'Empire a toujours besoin de déstabiliser ses périphéries, comme on appelle. Et la périphérie de l'Empire, c'est l'Europe. Et en fait, si tu n'es pas vraiment américain, si tu n'as pas vraiment ta green card, tu n'es pas citoyen américain, sachez que l'intérêt des Américains est de biaiser l'Europe, de nous, j'en pourrais pas un mot vulgaire, mais vous avez compris, c'est leur intérêt, de nous maintenir quand même plutôt bien. Je parle du pouvoir américain, pas de votre pote américain que vous êtes dans la rue qui est votre pote, et moi aussi j'ai des amis américains, non j'en ai pas tellement, mais je peux en avoir, je veux dire, il y a des Américains qui sont très très bien. Je parle du pouvoir américain, de par sa logique, là encore il ne s'agit pas du président qu'on va élire, de par la logique de l'Empire, comme l'Empire romain le faisait à l'époque, si tu veux survivre en tant qu'Empire, tu as besoin de déstabiliser en permanence tes périphéries. Et il se trouve que nous, Européens, sommes dans la périphérie de l'Empire. Voilà. Et donc, ils cherchent à nous déstabiliser. Et si vous voulez prendre un exemple, si tu veux que je te cite un exemple, c'est par exemple ce qu'ils font au Maghreb, en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Un Américain qui fout en l'air un État, quand il fout en l'air la Libye de Kadhafi, il n'en a rien à foutre, parce que les bateaux de migrants, ils ne viendront pas chez lui. Mais ils viendront en Europe. Et lui, il s'en fout. Et il fait ça. Ça affaiblit l'Europe. J'allais dire exprès, tu vois, un petit peu. C'est pas que pour ça, bien sûr. Mais c'est la preuve même que, si tu veux, nous ne sommes pas des Occidentaux à partager la même civilisation. Parce qu'eux, ils savent très bien qui ils sont américains avant tout, puis il y a les Européens qui sont leurs chiens-chiens, qu'ils ont absolument besoin de les déstabiliser par des crises migratoires, ils peuvent foutre le bordel dans le monde et tout. Si nous étions vraiment Européens, et que nous n'étions pas la voix des Américains, eh bien on n'aurait pas du tout justement déstabilisé les pays du sud Méditerranée. Pas du tout, parce que c'est pas notre intérêt du tout. Donc on a des intérêts qui sont vraiment divergents. On a affaire à une puissance thalassocratique commerciale et militaire. Et l'Europe, c'est plus l'Earthland, c'est-à-dire plus basé sur la terre, sur la production, il y a beaucoup de différences. Et je veux dire, pour tous les nouveaux nationalistes qui se sentent très américains, je sais qu'ils n'aiment pas trop les grands maîtres du passé, mais je leur rappellerai quand même que notre tradition à droite est celle-ci, qu'ils relisent le siècle de XIV, ou lisez le siècle de XIV de Dominique Vénère, par exemple, qui est un de nos maîtres, je veux dire, voilà, c'est le maître de Bernard Lugan, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qui c'est. Lisez à tout prix le siècle de XIV de Dominique Vénère, et vous comprendrez que les Américains, ce ne sont pas nos frères, ce sont des lointains cousins également. C'est ce que disait d'ailleurs, il me semble, Brzezinski dans Le Grand Échiquier, que les Européens étaient le vrai ennemi, qu'il ne fallait pas qu'il y ait un pays d'Europe qui se détache. Ils ont tout écrit, c'est pour ça que quand moi, mon cœur saigne, quand je vois un Français nationaliste, il dit ouais, on est avec les Américains, et qui se mettent à être contre les Russes aussi d'ailleurs. Maintenant, c'est la grande mode. Après avoir aimé Poutine et sans doute l'avoir trop aimé, parce qu'il ne faut pas être extrémiste dans un sens ou dans un autre, maintenant ils se disent non, on est avec les Américains contre Poutine, comme si la Russie était l'ennemi de l'Europe ou de ce que nous sommes, quoi, pas du tout. Déjà, ils n'ont pas les moyens, c'est la grande différence. Si je continue sur ma métaphore de la cour d'école, si tu as un mec dans la cour d'école qui passe son temps à te mettre des baffes et à te raqueter tous les matins, à prendre ton pain au chocolat, si tu vois un mec qui est capable de lui tenir tête mais qui n'est pas capable de te dominer comme l'autre te dominait, bah, tu as tendance à le soutenir. Tu vois pourquoi je soutiens plutôt la Russie? Parce que je sais qu'avec le russe, je suis capable de dire à celui qui me rackette tous les matins, maintenant t'arrêtes. Et je sais que l'autre, il ne prendra pas le pouvoir il sur moi pas le parce qu'il n'est pouvoir. Pas capable. La puissance russe n'est pas capable de dominer l'Europe comme l'Amérique domine l'Europe. Si un jour les Russes menacent l'Europe, comme elle l'a menacé à l'époque, et est vraiment capable d'imposer sa loi à l'Europe, je serai le premier anti-russe, tu vois. C'est une question de pragmatisme. Si je soutiens les Russes aujourd'hui, c'est pas par Poutine-idolâtrie, je sais pas ce qu'ils disent. C'est pas du tout pour ça, c'est des questions géopolitiques et puis pragmatiques. D'ailleurs, aujourd'hui, dans cette. Tiens, ça tombe bien comme ça. On Fait va chaud dans... chez toi, hein? Ouais, il fait un peu chaud, désolé. Pour aller sur la politique internationale, quelqu'un comme. Ce qui est en train de se jouer, là, clairement, en Syrie, alors ça, c'est un sujet que tu connais bien. La Syrie, on est passé à côté, quoi, d'une guerre mondiale? Est-ce qu'on y a encore un risque? Ou alors c'était des rodomontades, tout ça? Mais on a vu, quand même, à un moment donné, tout le monde se posait la question, est-ce que les États-Unis allaient entrer en guerre directe avec la Russie, quoi, sur le terrain syrien? Auquel cas, nous, en Europe, on commencerait un peu à flipper, quand même. Il y a eu des. Je ne peux pas te répondre parce que je serais vantard en te répondant. Il y a eu un risque, mais ça s'est arrêté le 23 à 23h. Je sais pas, je ne suis pas dans les états-majors d'armée. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les Américains étaient assez fous. Non, les Américains, en fait, leur but, si tu veux, ça a été analysé après la guerre d'Irak. C'est ce qu'ils ont analysé après la guerre d'Irak. Ils ont cru pouvoir changer véritablement la politique du Proche et Moyen-Orient et de pouvoir imposer leurs lois là-bas comme ils le furent sur le modèle japonais. Ils détruisent le Japon et après ils en font du Japon et l'Europe d'ailleurs, ils en font un allié Ceux qui total. Et en fait, ils ont veulent. essayé pendant des dizaines d'années de faire ça avec le monde arabe. Malheureusement, ça n'a pas marché à cause du facteur islam et à cause du facteur culturel aussi, qui est lié à l'islam d'ailleurs. Et ça n'a pas marché. Donc en fait, ils se sont dit, c'est maintenant la logique américaine, et là, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à elle, c'est qu'ils se disent, puisqu'on ne peut pas contrôler totalement ces pays-là, autant y foutre la merde. Et autant laisser toute cette région-là Un chaos un permanent, chaos ça. permanent, exactement, dans un chaos permanent, de sorte à ce que ni les Chinois, ni les Arabes, ni les Iraniens, ni les Russes ne puissent en profiter. Et en fait, c'est la politique américaine dans le pays. Donc, ils ont voulu faire ça dans le pays, dans cette région. Ils ont fait ça en Irak. Et manque de bol, les Iraniens récupèrent en ce moment l'Irak, du fait de la majorité chiite là-bas. Et qu'ils se sont dit, on va faire ça en Syrie. Manque de bol, Bachar, il était soutenu par la majorité de la population et donc il l'a tenu. Donc, ça marche pas trop. Donc là, ils essaient avec le Kurdistan, tu vois. Ils essayent de foutre le bordel un peu partout. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Parce que C'est en fait, si clairement. tu veux, c'est plus la preuve d'un déficit de puissance qu'ils ont aujourd'hui. Puis donc, Parce que la Syrie, c'est un échec pour les ah, mais c'est Américains. un échec total. Un échec Ouais. total. L'échec des Français. Et puis les Français, quelle honte. Mais quelle honte. Nous, Français, nous étions les meilleurs amis, justement, des peuples levantins. Parce qu'il faut savoir que les Libanais et les Syriens ne sont pas des Arabes. Ce sont des levantins. Depuis François Ier, d'ailleurs, c'est ça, la protection de la France sur les chrétiens Bien d'Orient. sûr, et puis même s'ils sont pas, même les chrétiens surtout, évidemment, mais même, si tu veux, c'est un peuple qui a une vraie particularité culturelle, qui a été conquis par les Arabes et donc est devenu musulman en sa majorité, certes, mais qui conserve énormément. Ils ont un islam qui est très séculier et culturellement syrien ou libanais, tu vois. Donc on avait tout à faire justement à parler à ces gens-là et à les protéger face à la vague islamique qui arrivait, même face à l'Iran, parce que à la limite même c'est là où ils sont complètement abrutis, c'est qu'aujourd'hui ils ont donné la Syrie à l'Iran, alors que je suis pas un anti-iranien arabique du tout, mais je veux dire les Syriens n'aiment pas les vrais Syriens n'aiment pas, y compris Bachar, et ça je peux te le dire vraiment, ils sont pas tellement fans des Iraniens si tu D'accord, veux, tu ça vois. on sait pas trop, ouais, Mais d'accord. non, pas du tout. En fait, c'est basé sur un mensonge. On dit, et tous les médias français racontent cette connerie-là, parce qu'ils travaillent pas, même si. Alors, des charges, c'est compliqué de savoir si tu connais pas les vrais alaouites. Tout le monde dit l'alaouisme est une branche du chiisme. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils sont proches des Iraniens. C'est faux, en fait, c'est un jeu de dupes qui s'est fait, je crois, dans les années 80, quand Hafez al-Assad a dû s'allier, quand les Iraniens ont cherché un allié dans la région et qu'ils se sont alliés à Hafez al-Assad. Parce que c'est une république islamiste, ils avaient besoin, pour certifier une alliance, qu'ils s'alliassent avec un vrai musulman. Donc en fait, ils se sont dit, ok, alors dans l'alaouisme, qui est plutôt païenne en fait, c'est un syncrétisme d'un paganisme et puis de quelques éléments du monothéisme. Et il se trouve que dans l'alaouisme, il y a le respect énorme du prophète, de Ali, du compagnon du prophète Ali, qui est donc la personnalité dans le monde chiite qui est la plus importante. Et donc ils se sont dit, bon, bah, parce que vous avez Ali, ils ont aussi Zarathoustra, ils ont aussi Socrate, ils vénèrent Socrate, tu vois, mais bon, ils ont Ali, il se trouve qu'il y a Ali. Donc, donc dans la République islamique iranienne, ils ont dit, bon, bah, vous avez Ali, on va dire que vous êtes chiite, vite fait, quoi. Et donc aujourd'hui, tous les médias français disent, l'alaouisme est chiite, c'est pour ça que ce sont les Iraniens. Bon. En fait, les vrais Syriens ne sont pas tellement fans de la République islamique d'Iran. Et donc c'était tout l'intérêt de la France que de protéger cette partie levantine du monde de à la fois de l'islamisme sunnite avec Daesh et tout le reste, et puis de protéger de l'islamisme chiite venant d'Iran. C'était tout l'intérêt de la France de faire ça. Et ça par un concours d'imbécilité, parce que c'est beaucoup d'imbécilité, il faut savoir. Hein. Il n'y a pas que de la manipulation. Hein. Les mecs comme Hollande et tout, si tu veux, on croit toujours, quand on ne connaît pas ces gens-là, qu'ils sont hyper intelligents et qui pensent à trois coups d'après et tout. Mais quand tu connais vraiment qui sont leurs assistants, qui sont les mecs qui écrivent leurs discours, tout ça, et moi j'en connais quelques-uns, c'est des abrutis, t'es pas. C'est des connards. C'est-à-dire, ce qu'ils disent, ils y croient vraiment. Ils pensent vraiment à cela. Ils se sont dit sur la Syrie, ah bah là, on est en face d'un mouvement, le printemps arabe, du sort du printemps arabe, le peuple en a marre des dictateurs, Bachar al-Assad est un dictateur, on va pas faire la même connerie qu'on a faite en Tunisie en soutenant d'abord le dictateur Bachar. Ouais. Donc on va soutenir tout de suite les rebelles. Ouais. Et puis en plus, il se trouve, tant mieux, ça arrange les Américains et les Israéliens. Donc bon, bah, là, on va faire coup double, tu vois. C'est génial, on se rapote avec les nouveaux qui seront au pouvoir, qui sont des démocrates. Hein. On s'en fout, il y a 2-3 islamistes un peu ici ou là, on fera la paix avec eux, on s'arrangera. On fait plaisir aux Israéliens, aux Américains, et on empoche le pactole. Ben non, bande de connards, vous ne saviez pas que le peuple syrien, le peuple levantin, il a une vraie identité propre, il a sa véritable identité, il n'a pas du tout envie d'être sous la botte de fous furieux, de Daesh, d'Al-Qaïda et du front al-Nosra. Voilà. Et donc, j'ai envie de dire, même si ça va contre les intérêts de mon pays aujourd'hui, ben bien fait pour la France d'avoir agi comme des putes à l'égard d'anciens alliés qui n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on les protège. Ouais, parce que Bachar al-Assad, de toute façon, il n'arrête pas d'avoir des mots durs pour la France, hein, pour expliquer. Ouais, et a raison, hein, raison bien sûr, mais il a beaucoup de mots durs, effectivement. Figure-toi que non. Enfin, figure-toi que ce qui est très étonnant, moi, pour être parti plusieurs fois en Syrie pour y retourner bientôt, figure-toi que justement, ce qui m'étonne de la part du peuple syrien, y compris dans la reconstruction de la Syrie qu'ils veulent, eh ben, malgré tout ce qu'on leur a fait, mais ils continuent à beaucoup aimer la France dans sa civilisation, dans ce qu'elle est, les Français. Et ils aimeraient même parfois que les entreprises françaises puissent aider à reconstruire la Syrie. Donc malgré tout ce qu'on leur a fait, parce que la France jouit d'un prestige immense de par son histoire, attends, je vais te dire un mot là-dessus juste après, et ben c'est très touchant justement de voir que malgré tout ça, ils dissocient toujours le peuple français de leurs alliés. C'est vrai que Bachar fait la différence. Il a déjà dit à chaque fois, il dit je m'en prends au gouvernement, pas au peuple français. Exactement, à la limite, Bachar c'est une chose, mais parmi les Syriens. Mais parmi les Syriens, et c'est là où tu vois, où tu peux quand même détester l'élite actuelle, et l'élite depuis 30 ans, c'est quand tu voyages, tu te rends compte comme les gens aiment la France, putain. Ça c'est beau, tu vois. À quel point tous les peuples vont te parler du français, de la culture française. Ils méprisent tout ce qu'est devenu la France, mais ils continuent d'aimer ce que la France fut, tu vois. Et c'est dingue de voir ces connards d'élite aujourd'hui parisienne vivre en fait sur cet héritage, tu vois. Tu vois, vivre dans leurs ordres, la République, faire leur voyage diplomatique, tout ça. Alors que ces gens-là sont méprisés partout, mais s'ils ne sont quelque chose, c'est uniquement parce qu'il y a de cet héritage-là, tu vois. C'est un truc, ça fait vraiment mal au cœur. Et donc, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, que les Syriens donc n'ont pas de rancœur en fait contre les Français. Non, c'est très étonnant. Et je te dis, c'est aussi lié à l'histoire iranienne, c'est qu'ils, contrairement à ce qu'on raconte, c'est qu'ils n'ont pas tellement envie d'être dans la botte iranienne. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent être les amis de l'Iran. Attention, les Iraniens sont leurs alliés, leurs amis et tout. Mais ils ont envie de conserver cette culture qui est très tournée vers la Méditerranée, donc vers aussi l'Occident. Hein, tu vois, ils n'ont pas envie d'être enfermés dans ce qu'on appelle l'Asie islamique, tu vois. Et puis dans le monde proche-oriental, c'est une question de sphère, tu vois. Ils sont portés sur la mer, c'est quand même la race phénicienne par excellence. Donc eux, ils sont portés vers la Grèce, vers l'Occident, mais ils ont quand même un pied dans l'Orient, mais ce sont des Orientaux, bien entendu. Mais ils veulent conserver cette particularité-là, tu vois. Ils ne sont pas des Arabes, ils sont des Phéniciens, ils sont musulmans, oui, mais c'est un islam, malheureusement, les Wahhabites ont payé plein de mosquées et plein d'écoles, ce qui fait qu'aujourd'hui, la population des campagnes syriennes est très islamique, et c'est à cause de ça qu'il y a la guerre. Mais je veux dire, les élites syriennes, même la classe moyenne syrienne n'est pas du tout comme ça. D'ailleurs, on peut dire que si Bachar n'avait pas eu autant de soutien du peuple syrien, il n'aurait pas pu tenir, Bien concrètement. entendu. Tout le monde dit Bachar est là parce que la Russie, parce que l'Iran, mais Son peuple avant tout. Parce que... déjà à Damas même, je veux dire, à Damas même, tu vois la manifestation de pro-Bachar qui a chaque année il fait, mais ce sont des millions. Et puis il a des territoires autour de Latakia, et puis il y a plein de gens en Syrie, ils étaient arrivés quand même à un haut niveau économique et tout cela, il y a plein de gens qui ont pas envie de se retrouver sous la botte des barbares de Daesh et islamistes, tu vois. Donc même s'ils disent pas que Bachar est parfait, moi j'ai même rencontré plein de Syriens qui disent Bachar. D'ailleurs, la vérité, c'est que c'est même pas Bachar le problème. C'est souvent des gens dans l'ancien parti basque construit par son père. Et en fait, la vérité, c'est ça. C'est-à-dire les vrais méchants, entre guillemets, c'est Bachar, en fait, c'est plutôt un gentil. Je sais, on ne croira pas, mais Bachar, c'est un mec qui avait fait ses études en Angleterre, qui est un intellectuel. C'est pas du tout un type qui va dire, allez, on va gazer, je sais pas quoi et tout. Qui est dans le régime, en revanche, des mecs construits sur le modèle bassiste, panarabiste, des années 60, tout ça, qui eux, ils n'hésitent pas à tirer. Hein. Ça, oui, d'accord. Mais Bachar, en fait, c'est pour ça qu'ils font. Tu vois à quel point les Français connaissent plus rien, je parle de l'élite française, sur la situation. Ils disent, par exemple, aujourd'hui, pour sauver la face, ils disent, on est prêt à conserver le régime, mais il faudrait que Bachar quitte le pouvoir. Et moi, j'entends. En gros, que ce soit remplacé par quelqu'un d'autre du régime, tu vois. Et ça me fait beaucoup rire, parce que quand tu connais la situation syrienne. Quand tu parles avec des Syriens qui vivent, avec ces hommes politiques, vraiment qui les connaissent personnellement, tu parles avec des gens de l'élite syrienne, ils te disent, mais vous êtes débiles parce que si vous perdez Bachar et vous voulez mettre un mec du régime, il va être 3 fois pire que Bachar. Tu vois, quand Macron dit ça, et quand ça me fait marrer, quoi. Si vous voulez un interlocuteur avec qui vous pouvez parler, qui vous verse sur l'Occident et tout ça, mais gardez Bachar, mais 100 fois. Non, parce Ben que... voilà, ils connaissent plus rien, quoi. Non, mais c'est extraordinaire parce que Bachar, en plus, enfin, il fait partie de ces présidents qui ont été salis par les médias Il est sali à vie constamment. Ils ont maintenant. salié, voilà. Moi, je vois des Français dans la rue qui ont écouté qui ne connaissent du conflit syrien que ce qu'ils ont écouté sur France Inter une fois par mois pendant 5 ans. Les rebelles, les gentils, le peuple, le dictateur qui gaze son peuple. Plus terminé. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Encore une fois, je suis entré dans des discussions, mais putain, mais ouvrez les yeux un petit peu, renseignez-vous, allez sur le terrain, même pas d'aller sur le terrain, vous pouvez avoir toutes les informations aujourd'hui sur Internet. Les gens ne font pas. Oui, parce que ouais, mais c'est intéressant, parce que ça aussi, est-ce que toi aussi, t'avais constaté que les médias, quand même, ont bougé sur l'affaire syrienne? Parce qu'au départ, il y a 4-5 ans, on nous disait, c'est des C'est gentils vrai, c'est rebelles, vrai. c'est des manifestations pacifiques, il y a un C'est méchant vrai, c'est vrai. dictateur, et puis aujourd'hui, quand même, on avoue les djihadistes, on parle des financements du Qatar, machin, enfin, des choses sur les grandes chaînes de télé, Il quoi. y a, y a, y a deux phénomènes. D'une, ils ont perdu. Donc déjà, quand les médias, ils suivent les gagnants. Tu C'est sais, les c'est gagnants, un peu ça. Et puis de deux, grâce à la réinformation, grâce à Internet, les gens sont un petit peu moins stupides. Il y a eu aussi un gros travail qui a été fait. À mon humble échelle, je l'ai fait avec mon reportage syrienne, par exemple, qui a été vu plus d'un million de fois entre Facebook, YouTube et tout. Ben voilà, et je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens et tout qui ont montré que les rebelles, le vrai visage des rebelles et qui ont montré le vrai visage de la société syrienne, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas une démocratie à l'anglo-saxonne, évidemment, mais qui n'est pas l'horrible dictature que l'on dépeint. Donc, puis les gens, le chat est chaudé craint l'eau froide aussi, hein. Le coup des rebelles gentils avec l'enfant qui pleure massacré par l'armée du méchant dictateur, ils ont fait ça en Irak, ils ont En fait ça, en, ça a Libye, commencé au Kosovo. au Kosovo. Moi, je suis né à la politique avec le Kosovo. J'étais très très jeune à l'époque. Moi, c'est une claque que j'ai prise qui m'a marqué à vie parce que je me rappelle quand j'étais gamin, je me rappelle de cette scène, je devais avoir 9 ans, 10 ans, je sais plus. Je regardais les magazines Paris Match, il y avait des reportages photos. De colonnes de réfugiés, tu sais, avec d'enfants qui pleurent, avec des gros titres. 200 000 morts, 300 000 morts. Professeur Cumin à Lyon 3, on en parlait un jour, il me disait qu'il avait vu un gros titre, 750 000 heures, morts exterminés. 750 000, un gros titre. Bon, maintenant, c'est 300, 3, 3500. 3500. 3500. 3500. 3500. 3500. dont beaucoup de soldats. Hein. Surtout... Et semble-t-il qu'ils ont été commis par les bombardements de l'OTAN et non pas par les... Exactement, tu vois. Et moi, je me rappelle, je voyais ça, je chialais. J'étais un peu... toujours à me connaître et tout, je pleurais, j'étais là. Et je prenais la tête de Milosevic et je lui mettais des coups de couteau, des coups de fouchette et tout. Tu vois, j'étais toujours été un peu passionné, tu vois. Et j'étais gamin. Et quand, après, justement, je suis allé en Serbie, à 17 ans, puis je me suis renseigné sur le conflit, j'ai rencontré... C'est là aussi que j'ai commencé à comprendre ce qu'étaient les Américains et ce qu'étaient ces pouvoirs médiatiques. Là, pour moi, ça a été un truc terrible, tu vois. Je me suis dit, c'est fini, on ne me reprendra plus deux fois, tu vois. C'est ça qui m'a donné cette envie de... D'accord. Intéressant. Parce que la guerre... Enfin, moi, j'ai l'impression que cette guerre au Kosovo a un peu servi de modèle de guerre moderne pour toutes les guerres suivantes, quoi, où on s'est inspiré du modèle Kosovo. Bien sûr. La bonne gueule du dictateur patibulaire... Le peuple civil qui se fait massacrer. La Shoah. Toujours deux factions, il y a un gentil et un méchant. Bien sûr. Voilà, c'est, voilà. Et puis l'OTAN qui bombarde et qui remet les trucs. Puis comme par hasard, c'était pour couper le pays de la Russie, machin. Bon, bref. Mais ce que je trouve, c'est que c'est marrant, c'est parce que cette guerre aussi du Kosovo, il n'y avait pas Internet. C'était le début d'Internet. Bien sûr, et je trouve que ça change beaucoup. Parce que par exemple, pour le coup, la Syrie et la Libye. Ça a été grillé quand même. Il y a eu moins de temps entre. La Libye, encore, c'était le début. La Libye, 2010, c'est... Internet, ouais, ouais. C'était encore. Ça existait, bien sûr. Oui, mais c'était le. Ouais, c'est vrai. Mais c'est maintenant, c'est... Ben, pourquoi crois-tu qu'ils sont en train de faire des trucs sur les fake news et tout? Parce qu'ils voient bien qu'aujourd'hui, ça les dépasse. Ouais, tu vois, c'était une de mes questions. Parce qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, clairement, Internet. On a beau dire, ils hurlent aux complotistes, à tout ce qu'on veut, mais pourquoi ils prennent autant de lois comme ça pour restreindre? Parce que ça influe l'opinion publique, concrètement. On est obligé de... Bien sûr. Tous ces médias indépendants, voilà, t'as évoqué TV Liberté, etc., tout ce qu'on connaît, tout ça, quand même, influe. Ça, c'est diffus partout, on voit des gens qui font des millions de vues, etc. Ça influe, on peut pas dire que Bah, ils perdent le pouvoir de l'information, qui est quand même l'un des premiers pouvoirs en démocratie. En fait, il faut avoir l'information, il faut avoir le citoyen. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est-à-dire qu'on a peut-être gagné on est en train de gagner le pouvoir de l'information aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher des nouvelles informations et de ne plus écouter seulement ce qu'on nous raconte à la télé officielle. Mais il faut que cette information tombe dans le cœur d'un citoyen. C'est-à-dire qu'il en fasse quelque chose après. D'accord. Et donc c'est pour ça que travailler sur les hommes est une chose intéressante. Tu vois. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple... Parce qu'aujourd'hui, on peut tout avoir, mais si tu restes devant ton ordinateur et que tu mets... Et que ta seule activité, en fait, va être de mettre un commentaire pour dire « Ah ben oui, machin », et qu'après tu fais plus rien, bah, ça sert à rien, si tu veux. Mais voir. Est-ce que ça peut avoir une influence, comme on a vu ce qui s'était passé avec Black M à Verdun, qui grâce ou à cause, comme on veut, l'emballement Internet, en tout cas, à la fin, l'événement est annulé. Mm-hmm. Là, on vit un autre épisode en ce moment, c'est Médine au Bataclan. Et ça ressemble beaucoup à Black M, je trouve. C'est-à-dire que c'est l'opinion qui s'empare, en fait, de cette chose-là. Ça vient pas des grands médias, ça vient du bas. Et que ça va finir par monter. Ça va finir. De toute façon, je m'attends à ce que tout le mainstream, un jour, ils vont finir par en parler. Ah ben, il y a un rappeur qui fait polémique au Bataclan. Mais d'ailleurs, il a eu des articles déjà dans Le Monde, dans Trucs, j'ai vu. Oui, la société civile est en mesure aujourd'hui de faire remonter des choses au niveau médiatique, ce qui est plutôt intéressant. Ouais, parce que ça, c'était pas le cas avant quand même. Bah non, il n'y avait pas de... Même si il ne faut pas non plus toujours idéaliser les choses, à l'époque, tu pouvais avoir la presse libre, tu avais des journaux qui étaient capables de se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires, et avoir déjà cette force de coercition contre l'État officiel et le pays légal. Tu pouvais arriver à faire cela. Donc, encore une fois, je te dis, si à l'époque, ces journaux se vendaient à des milliers d'exemplaires, que l'information pouvait avoir une puissance, c'est aussi parce que ces journaux étaient lus par des citoyens, c'est-à-dire des hommes capables de créer des mouvements sociaux, de créer des mouvements politiques ou de s'organiser de sorte à avoir de l'influence, car l'influence, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. D'accord. Alors, changement de sujet, enfin, toujours dans le même sujet politique, tu penses quoi de la transformation du Front National, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle Rassemblement National? Sur le Front National. Tout était dans le nom finalement. Non, c'est vraiment de la cosmétique, c'est même pas de la grande cosmétique, quoi. Elle n'est pas allée chez une grande maquilleuse, c'est fait naturel son rouge à lèvres, simplement. Bah, le Front National, si tu veux, c'est à la fois ses mérites et ses torts. Le problème, c'est qu'il c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus la. Il y a eu Jean-Marie Le Pen qui a créé quelque chose de très fort, de très puissant autour de sa personnalité. Il a été un peu le porte-parole d'un message qui était complètement écrasé à cette époque progressiste, qui croyait, ce dont on parlait juste avant, qui croyait que tout allait aller dans le meilleur des mondes sans problème. Bon, Jean-Marie Le Pen était quelqu'un, c'était vraiment un sacré type, c'est un mec que je connais, c'est un bonhomme, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un sacré bonhomme. Bon, après, il a donné le pouvoir à sa fille, Marine, qui a pour moi incarné quelque chose à un moment donné, la dédiabolisation, justement, l'inscription de ses idées patriotes dans la société civile beaucoup plus profondément. Et puis maintenant, ben, on arrive sur Marion Maréchal Le Pen. Alors, Marion, qui est une copine, qui est une fille pleine de qualités, vraiment très très intelligente et tout. Le souci, c'est que les médias jouent beaucoup de la famille Le Pen, qui est un petit peu la famille de Monaco, si tu veux. Et que, du coup, tant qu'on a cette famille Le Pen qui a fait une OPA sur le patriotisme français, il y a plein de bonnes initiatives et des gens qui aimeraient refaire de la politique qui ne veulent pas y retourner, parce qu'ils ont tout pouvoir là-dessus. Car Marion Maréchal va décider de revenir, elle fera le 20h de TF1, et elle touchera directement 20 millions de Millions de Français, si personnes. tu veux. Face à ça, tu peux rien faire. Donc quand tu vois, par exemple, l'émergence en Europe de nouveaux partis, par exemple, je prends le cas hollandais, t'as Geert Wilders, qui régnait sur le patriotisme hollandais, et puis maintenant, tu as Thierry Baudet, qui est jeune, qui fait quelque chose de nouveau, et qui est en train de gagner totalement sur Geert Wilders, et qui d'ailleurs lui sera Premier ministre un jour, Thierry Baudet. Pas Geert Wilders, mais Thierry Baudet. Parce que nouvelle communication, nouvelle génération, tout ça. Et puis très solide intérieurement, si tu veux, doctrinalement. Mais ça, le problème, c'est que tu peux le voir aujourd'hui dans différents pays européens. Et le problème, c'est qu'avec cette famille Le Pen, bah, tu peux pas le voir. Parce que c'est eux qui règnent là-dessus. Et les gens sont fous de Marion, pour des très bonnes raisons d'ailleurs. Mais ça reste la famille Le Pen, et comme elle le dit d'ailleurs très bien elle-même, je ne suis pas certain qu'elle pourra accéder au pouvoir du fait de son nom. Donc c'est un peu un piège, si tu veux, aujourd'hui. Il y a deux catégories de gens qui sont fous amoureux de Marion. Il y a les droitards, et puis il y a les médias. Soit c'est un miracle, soit c'est un piège, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien à faire là-dessus. Moi, par exemple, je sais que je ne veux pas refaire de la politique parce que ça sert à rien. Là, demain, je crée mon parti politique. Je travaille à mort 12 heures par jour, je ne fais plus que ça, la politique. Je sais qu'en un an, en travaillant bien, j'arriverai à toucher, allez, toucher, pas faire adhérer, hein, mais toucher des gens, c'est-à-dire qu'ils connaîtront mon initiative, hein, seulement. J'aurai touché quoi? 1 million? Et 2 millions de personnes? Encore, c'est que j'y serais allé, tu vois. Bah oui, mais t'as Marion qui va revenir, et 20 millions direct, TF1, machin, nouveau parti, nouveau truc, ce qui m'oblige soit à la rallier, soit à la combattre. Et je n'ai pas envie de la combattre, tu vois. Donc, je sais pas si j'ai envie de la rallier non plus, mais enfin, on verra. S'il faut la rallier, on la ralliera, j'en sais rien. Simplement, voilà, du coup, toutes ces initiatives, il n'y a pas que moi, il y a plein de mecs qui pensent comme ça aujourd'hui. C'est la famille Le Pen qui règne sur le patriotisme français, pour le meilleur comme pour le pire. Voilà. D'accord. Ce serait peut-être ça la solution, alors peut-être avoir une autre personnalité Mais autre qu'un Le pas Pen, quoi. possible. Pas possible. Parce que regarde, Marion, même elle qui ne veut pas faire de la politique, elle ne veut pas sincèrement refaire de la politique. Mais quand elle a autour d'elle des mecs qui lui répètent tous les matins que c'est Jeanne d'Arc, elle a les médias qui l'appellent tous les jours pour dire qu'est-ce que vous renez, qu'est-ce que vous renez, qu'est-ce que vous renez. Elle a les médias qui lui mettent le tapis rouge devant elle. Elle a Marine en plus qui s'écrase, qui a tendance à un petit peu s'écraser. Et puis tous les matins, t'entends que t'es Jeanne d'Arc. Au bout d'un moment, bah, Ouais, tu vois, t'y crois un tu peu. plantes. C'est normal. C'est C'est normal. normal, ouais, c'est normal. Donc voilà, et là, j'ai peur que les jeux soient faits, quoi. Donc, il y aura. C'est quoi l'avenir du Front National Bah, concrètement? l'avenir, c'est que. Ça va être difficile, quoi, alors. Hein. C'est que Marine tente à nouveau sa chance, peut-être en À l'élection, à 2022. 2022? Mais là, clairement, c'est pied d'avance. Oui, bien sûr. Mais même elle le sait, de toute façon. Alors, quelle analyse, toi, tu portes sur l'élection, là? Bon, évidemment, le débat, on sait, pas terrible, mais au-delà de ça, est-ce qu'elle a eu. Est-ce que finalement, elle n'a pas trahi certains idéaux du Front National, Marine Le Pen, dans cette À quel campagne? niveau? Bah, au niveau immigration, sécurité, tout ce qui était les fondements du Front National, que je trouve n'ont pas tellement été abordés. On a beaucoup axé sur la question européenne, et encore, peut-être pas assez en profondeur, diraient certains de l'UPR. Et puis, on va dire, voilà les questions économiques liées évidemment à la question européenne, mais pour le coup, l'immigration, le terrorisme, la sécurité, l'identité, tout ça, exit, quoi. Il n'y a pas eu de. J'avais fait une analyse sur sécession, je ne sais pas si tu l'avais regardé, sur l'élection présidentielle justement. C'est Marine Le Pen avec la ligne Philippot, c'est de se dire, partir dans cette absurdité totale, de se dire en fait, le référendum de 2005 a donné à 55% le non sur la Constitution européenne. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité de gens qui sont anti-Union européenne et le modèle de société qu'elle promeut, c'est-à-dire le libéralisme, machin. Mmh. Donc Philippot et Marine Le Pen, très intelligents, se sont dit « Ah, là, il y a un truc à prendre. Sortir du clivage droite-gauche et récupérer, en parlant directement au peuple, ce grand peuple anti-Union européenne. » Et le modèle que ça... Bon, et c'était basé sur au moins trois erreurs. La première, c'est que ce non à l'Union européenne était quand même très circonstancié, dans la mesure où 2005 était l'année du non à plein de choses. C'était l'année du non au CPE, c'est les gens utilisaient le référendum pour dire non à Chirac, il y a eu l'émeute des banlieues, il y a eu pas mal de choses. Donc, si tu veux, c'était une année de contestation, déjà, de l'année de 2005. Donc, les gens n'ont pas tous lu la Constitution européenne avant de voter, tu vois. Ils ont voté pour virer Chirac et ce qu'il faisait. Donc, déjà, premièrement. Deuxièmement, ce non anti-Union européenne était divisé par au moins, je ne sais pas combien, mais 4 ou 5 différents peuples. Le peuple de gauche avec ses raisons qui a voté non, le peuple de droite avec ses raisons qui a voté non. Et c'était une gageure absolue que de penser pouvoir réunir ce peuple-là, à la fois de gauche et de droite, surtout autour d'une Le Pen. Parce que autant si le peuple de droite anti-Union européenne aurait été capable de rejoindre Marine Le Pen, autant jamais le peuple de gauche rejoindrait un mouvement dit nationaliste et encore pire, le péniste. Ouais. Et voilà, mais ils ont pensé cela. Et donc du coup, en fait, en faisant une campagne, en ne cherchant à s'adresser qu'à ce peuple de gauche, parce qu'ils avaient déjà le peuple de droite anti-Union européenne, ils n'ont fait qu'une campagne pour avoir le peuple de gauche, tout ça, ça ne vient à rien, plutôt que d'aller parler au peuple de droite bourgeois, conservateur, type UMP, mais qui en avait marre de l'UMP et qui était vraiment prêt à voter Marine Le Pen pour des questions identitaires. Tout à fait. Bah, plutôt que de parler à eux, elle a parlé à la gauche. Et le résultat, c'est que ça a fait... Je crois que c'est 2-3% des ceux qui votaient France Insoumise qui ont porté leur voix. Enfin, c'est ridicule, quoi. Mais bien sûr. Bah, c'est comme ça. C'est une erreur stratégique majeure qu'ils ont faite. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je disais ça en 2014, quand j'ai quitté le Front National. Je l'ai dit à Marine, personnellement. Mais j'étais le petit jeune qui comprenait pas, tu vois, la politique. On comprend pas tous ces enjeux. En fait, c'était le petit jeune qui avait raison, quoi. Voilà. D'accord. J'étais pas le seul, hein, on était plusieurs. Hein. Bon, c'est comme ça. Et Philippot, aujourd'hui, est assez drôle parce qu'il croit pouvoir le faire autour de son nom, maintenant. Oui. Ni à gauche, ni à droite, contre, pour la souveraineté, pour l'Europe, enfin, contre l'Europe, la souveraineté française et tout ça, mais bon. C'est louable, mais ça marchera tu pas. Tu vas faire 1%, quoi. Ouais. Voilà. Ça marchera jamais, parce qu'un mec qui a voté Mélenchon, il vaudra jamais Philippot. Quoi, bien sûr. C'est trop, trop loin. Allez, je vais prendre les questions. Il y en a plein, en plus. Bon, allez, je vais en choisir quelques-unes. Il fait vraiment chaud chez toi. Hein. Ah oui, désolé. Hein, on mettra la clim la prochaine fois. Je demanderai une clim bientôt pour cet été. Je vous en ferai part. Alors, on me dit... bonsoir, monsieur Rochdy. Quand vous êtes allé au carrefour de l'horloge en 2016, vous parlez de l'État contre le peuple. Croyez-vous réellement que cet effet va s'accroître avec le gouvernement Macron et le grand remplacement qui va s'accélérer en plus? Oui, l'État contre le peuple. L'État que nous avons actuellement joue contre les intérêts de son peuple, alors qu'il est censé normalement les défendre et les promouvoir. C'est pour ça que je l'appelle l'État zombie. C'est-à-dire qu'en fait, un zombie, c'est quoi? C'est un mec qui avant était ton ami et qui du jour au lendemain cherche à te bouffer. Et donc en fait l'État c'était ça, l'État était notre ami, on l'a construit pour qu'il soit l'ami du peuple français, pour qu'il le promeuve, qu'il le sécurise, qu'il améliore le peuple, et maintenant bah, d'un coup il cherche à te bouffer. Donc face à l'État, comme avec le zombie, soit tu t'en tiens le plus éloigné possible, soit tu le tires dans la tête. Si tu le tires dans la tête, voilà. Donc, c'est assez, il faut se débarrasser de l'État, voilà. Enfin, d'une certaine façon. Exactement, t'as compris la métaphore. Ouais. Alors, on me dit, que pensez-vous des Anglais? Sont-ils américains ou européens? Alors, là, tu parles un français vraiment chauvin, et pour moi, les Anglais, c'est... Comme disait Churchill disait, je crois qu'il dit ça, au général, il lui dit, vous savez, les Anglais, nous, Britanniques, entre le continent et le grand large, on regardera toujours le grand large, ouais, tout à fait. Je crois que c'est dit, je pense que ce sont des Européens de peuple, de culture, de tradition, mais qu'ils ont un tropisme atlantique qui est vraiment trop puissant chez eux. Mais c'est quoi alors le Brexit? Comment on doit interpréter ça? Parce que est-ce que... Mais le Brexit, c'est la pure manifestation de leur égoïsme. C'est, je veux dire, nous, on a tout, les souverainistes disent génial, le Brexit, mais le Brexit, Brexit, ça change pas grand-chose pour eux. Ils avaient déjà une position tout à fait particulière dans l'Union européenne, parce qu'eux, ils savaient négocier. Ils n'avaient pas d'euro, pas de Schengen, pas de... ils ont pris ce qu'ils voulaient à la carte, contrairement à nous. Et là, ils ont voulu récupérer encore plus de choses, tout en gardant ce qui les intéresse vraiment, c'est-à-dire le passeport européen pour la City. C'est-à-dire que la City a un passeport européen, pour que les opérations financières européennes puissent passer par la City et vice-versa. Ils l'ont conservé. Ok, les Britanniques, ils sont... Voilà. C'est tout ça qui les intéresse. Et pourquoi ? C'est ce que je te disais par rapport aux Américains, c'est que les Américains la permettent aux Britanniques aussi plus de le faire. Parce que c'est plus leurs copains. C'est les cousins un peu. Voilà. Ouais. Et les autres, là, non. Ouais, c'est la famille, entre guillemets. Famille, ouais, là, tu leur donnes un petit coup de main. Alors, une autre question me dit... bonsoir, monsieur Rojdi. Que pensez-vous des amoureux de la France ? Une occasion à saisir ou pas ? Alors moi, comme je l'ai dit, j'aime bien Nicolas Dupont-Aignan. C'est quelqu'un qui mérite d'être soutenu. C'est quelqu'un d'honnête, vraiment, quelqu'un de sincère dans ses convictions. Et je pense que les amoureux de la France sont une bonne initiative. En tout cas, c'est une initiative louable. Voilà. Donc, il y a peu d'initiatives louables aujourd'hui. Donc voilà, c'est au moins à reconnaître. C'est pour ça que je suis venu à leur première réunion et que je fais partie, je crois, j'ai signé partie du mouvement qui cherche à rassembler les gens au-delà des étiquettes politiques, car c'est vrai qu'il faudrait arriver à faire sauter les vieilles étiquettes politiques, républicains, Front National, tout ça. C'est un peu voilà. Début de l'union de la droite, ça, un peu un oui, embryon. Oui, l'union de la droite, c'est l'union des gens qui veulent... union des Français, quoi, des gens qui ne veulent pas disparaître. Hein, il ne veut pas disparaître simplement. Et puis, et c'est là où ce sera notre boulot à nous, qui chercheront demain peut-être à devenir quelque chose. Pas seulement rester dans le truc où on ne veut pas disparaître, ce qui est très bien, mais en plus d'en faire quelque chose. Ce que tu as expliqué tout à l'heure. Pour nous, Européens, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, pour résumer ça. La pure défense, si on joue gardien, on prendra des buts tout le temps. Donc là, si on veut vraiment sauver notre civilisation... Enfin, un peu Zidane, quoi. Il faut aller à l'attaque. Exactement. Si on veut sauver notre civilisation, on la sauvera par le projet, par l'attaque, par l'ambition. C'est comme ça que l'Europe fonctionne. Intéressant. Alors, on me dit, monsieur Rojdi, voyez-vous un peuple européen, et pourtant c'est eux qui ont fait une belle nation, la France. Je ne comprends pas votre inversion d'idéologie. D'accord. Il demande, est-ce que toi tu penses qu'il y a un peuple européen ? Est-ce que alors, oui, un peuple européen. Bon, elle n'est pas super bien formulée, mon cher, voilà, ouais, la question. Ouais, non, je comprends. Bah, déjà, j'ai envie de dire que la France, c'est une petite Europe d'expérience. Parce que là, la personne qui pose la question, elle dit, vous voyez un peuple européen, mais il y en a en gros, c'est ce qu'elle dit, mais il n'y en a pas, tandis qu'il y a un peuple français. Mm-hmm. Tout à fait, c'est ça. Mais c'est moi, ça. Je suis occitan, je parle la langue do mijo, hein, je viens du sud de la France. Et mon sud de la France était une petite civilisation, hein, à lui seul à l'époque. L'Occitanie a été un pays, c'était une nation, au moins culturelle, qui a été envahie par les Francs, par les Nordistes, et qui ont fait de moi un Français. Voilà. Et la France, ça a été un assemblage de Bretons, de mecs d'Occitan. Ah bah, comme dit Céline, t'as un harmonoïde alors. Voilà. Exactement. Exactement. J'aime bien Céline, mais là-dessus, c'est un connard. Bon, en tout cas, la France a été une... Le peuple français s'est construit. Donc là, elle me dit, il n'y a pas de peuple européen. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se construirait pas ? Justement, c'est un projet. Et encore une fois, honnêtement, avec la mondialisation, avec les avions, avec l'Internet, avec tout ça, quand tu débarques en Italie, que tu débarques en Autriche, que tu débarques, t'es chez toi. Faut arrêter de se mentir. C'est vrai que c'est le même espace. C'est la réalité. Quand tu voyages plus loin, et moi je le fais, tu sais quand t'es plus chez toi. Quand t'es en Europe, t'es chez toi. Pour moi, ce que tu as dit, c'est totalement vrai. En plus, t'es quelqu'un qui voyage, tu t'aperçois très vite qu'effectivement, maintenant, quand tu voyages à l'intérieur de l'Union Européenne, c'est presque dans le même pays. Il faut pas à tous les points de vue, quoi. Et il faut sortir d'Europe pour se dire, là, oui, exactement. Je suis plus dans le même pays du tout. C'est pour ça que je te dis, ce qui va compter demain, dans les siècles à venir, et les siècles à venir peut-être, ça va être les sphères de civilisation, les combats de civilisation, les morphologies civilisationnelles. C'est pour ça qu'on doit sortir du patriotisme et être... civilisationniste ou civiliste, comme je disais, en employant un néologisme. D'accord. Le civilisme a peut-être de l'avenir face au patriotisme, je sais pas. D'accord. Alors, on me dit, monsieur Rojdi, est-ce que l'aveu de faiblesse constitue en partie de l'appel à la revirilisation ? Ne comporte pas un aspect contre-productif et n'est-il pas plus efficace d'être dans l'incarnation de ce que l'on souhaite retrouver comme mentalité ? Je suis plutôt que de le prêcher. Non, voilà, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que, évidemment, C'est facile de dire ça. Je veux dire, s'il n'y avait pas de problème, on ne créerait pas de site, on n'écrirait pas des livres sur le sujet. Et il se trouve qu'il y a un problème, évidemment, que dans l'idéal, moi ça m'emmerde de dire aux mecs, redevenons des hommes, restons des hommes, Oui, développons-nous en je tant qu'hommes, comprends ce que tu si veux tout dire. était naturel, et même pour moi, c'est pareil pour moi, je ne me mets pas au-dessus du truc. Moi, le matin, je me réveille en disant, allez, aujourd'hui tu vas travailler, tu vas te battre, tu sois un homme, je me le dis, on doit se le dire, chacun d'entre nous, chaque matin. Et ben, si on peut. À l'époque, il y avait l'église, il y avait l'armée, comme je te disais, des écoles de formation naturelle. Si on peut aider par un site internet, par une école de formation, on va créer des stages, on va faire pas mal de choses. Si on peut aider un petit peu, bah, tant mieux. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Là, il y a peut-être des gens qui vont dire sur internet, pas besoin de ça pour être des hommes, mais tant mieux pour vous, les gars, si vous n'en avez pas besoin. Mais il se trouve que nous, depuis qu'on a lancé l'école major en 10 jours, on a reçu un paquet de mails, dont certains extrêmement tristes, mais vraiment, de types qui nous. Là, j'en ai lu un il y a 2 jours. Un mec qui raconte sa vie d'employé de bureau, qui n'a jamais eu de gonzesse, qui se sent complètement démasculinisé, complètement dévirilisé, et qui pense au suicide, des mecs comme ça, il y en a plein. Mais Et qui dit merci pour Major, moi ça me donne l'envie de me rebooster, d'apprendre des choses et tout. Donc ceux qui vont mépriser le truc en disant enfin, pas besoin de ça pour être des hommes, je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin voilà, d'être dans cette motivation-là. ce qui veut dire, par exemple, est-ce que c'est pas le fait que, entre guillemets, les jeunes blancs aujourd'hui, trentenaires, urbains, est-ce qu'ils ne sont pas justement souvent un peu isolés, célibataires, sans enfants long... Et c'est assez récurrent comme profil dans cette catégorie de Ben, c'est population. ça qu'il faut changer. Voilà. Donc, Major, ça va pas changer et révolutionner le monde, mais ça peut aider déjà pas mal de gens. Je te dis, à la fois d'apprendre des choses, à la fois de partager des choses, et à la fois peut-être aussi de créer des communautés, et de cette pas des communautés, mais en tout cas des réseaux. Les réseaux, ouais. Des réseaux, voilà, ça peut C'est être l'avenir des bien. réseaux, de toute façon, comme tu l'expliquais, c'est le seul moyen même pour s'en sortir, entre guillemets. Ton clan, c'est Ouais. ton réseau aujourd'hui. Parce Voilà. qu'aujourd'hui, pour du boulot, pour un logement, pour quoi que ce soit, ça Exactement. passe par les Le réseaux. but, c'est qu'on soit tous, comme disent les Anglais, successful. En tout Mais cas, le clair. plus possible. Parce que si on n'est que des losers, on se fera marcher dessus par tous les gens que l'on déteste. Voilà. D'accord. Alors, il y a tiens, encore une question. On me dit. Je crève de chaud, moi. Ouais, c'est bientôt fini. Monsieur Roche dit, ne serait-ce pas devenu une obligation d'avoir une force armée européenne ou alliance pour avoir de nouveaux poids au niveau mondial? Idée très rejetée dans nos milieux, mais à mon avis inévitable. Cette personne a compris, moi je pense qu'à terme, Un Suisse en plus, je le. pour être capable d'affronter l'armée des grands empires, je pense qu'à terme ce serait bien d'avoir une armée européenne. Et en plus ce serait tellement beau, après s'être mis sur la gueule pendant tant d'années, que d'avoir une armée dans laquelle on pourrait partager nos sciences entre Allemands, Français, Non, mais qui va commander? on serait les meilleurs au monde. Non, mais des soldats allemands sous un commandement français, ils refuseront, ils y voudront jamais. Mais me parle pas encore du mariage de qui d'abord créons le désir et D'accord. après la chose se Ah, et fera. après, on Peut-être décide qui, moi, comment on fait. dans ma génération comme on ne le verra pas. Mais je sais au fond de moi que c'est ce rêve-là qui aboutira sur quelque chose. J'en suis sûr. Parce que le processus de l'histoire nous mène à cela. Mais est-ce que cette unification-là, justement, dont tu parles, Ça se fera si tu ça veux. se fera? Est-ce que cette unification, est-ce qu'elle ne se fait pas toujours, justement, contre quelqu'un, contre un ennemi commun? Je veux dire, les Allemands, Oh, ils vont. ça tombe bien, il y en a pas mal en ce moment, hein. Ouais, Entre le monde islamique, entre le monde asiatique, entre le monde africain, et les Américains qui cherchent à nous. Je pense qu'on a toutes les bonnes raisons du monde aujourd'hui de se dire, hé hey, les gars, on est quelque chose, on est des Européens, les gens autour de nous ne veulent pas que du bien, donc il y a peut-être moyen et besoin de faire enfin quelque chose, tu vois. D'accord. Allez, conclusion, mon cher Julien, alors, message pour tous ceux qui nous regardent. Cette jeunesse mondiale, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont partout, hein, ils sont pas que de France. Hein. Je sais pas, bah merci à toi, Tepa, de m'avoir Ah invité. bah écoute, avec grand plaisir, merci à toi d'avoir Allez, accepté. allez sur www.écolemajeure.com pour suivre un petit peu ce que l'on partage. Et puis si vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas. Suivez la session alpha si vous avez envie d'approfondir plus ce qui est tout ce qui est de l'ordre de la mentalité, de la réussite masculine, de ce qu'on appelle. On a travaillé ça sur plusieurs mois, donc c'est une façon de lire une dizaine de bouquins en une formation, donc c'est plutôt sympa. Et puis, ce que je te disais, voilà, si vous êtes dans cette logique d'une manière générale de réussite personnelle, individuelle, de votre famille, de votre clan, que vous pensez à des entreprises, que vous avez envie de vous implanter à l'étranger aussi, vous cherchez comment vous développer vos activités, bah, n'hésitez pas à m'écrire, peut-être, c'est pas sûr, mais qu'on peut travailler ensemble. Voilà. Voilà. Répète le site, c'était écolemajor.com. Écolemajor.com. Bah, allez-y, vous pouvez vous connecter sur le site pour aller voir, pour te suivre et pour entrer en contact avec toi aussi éventuellement. Si ouais. Les gens veulent t'écrire sur le site, je mets du temps à répondre aux mails. Je réponds toujours, mais je mets du temps, donc ne vous vexez pas si je mets parfois un peu de temps. Okay. Soyez patient. Ouais. Moi, c'est pareil, j'ai l'habitude. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup, Julien. Merci vraiment, merci d'avoir accepté. Merci à vous. Merci à ceux de la caserne. Merci, évidemment, à ceux sur YouTube. Et puis, forcément, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao.